c'est parti, mardi matin, c'est le best-of de Manu dans le 6-9 qui démarre juste après les infos sur Énergie, les 6h. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Anto, bonjour à tous. L'épisode neigeux devrait se prolonger toute la matinée dans un large quart nord-est. Ça va s'améliorer en principe assez nettement cet après-midi avec le retour des éclaircies en fin de journée. Pas mal de soleil au menu dans les autres régions du matin au soir. Le Var reste en vigilance inondation pour l'instant après les pluies diluviennes d'hier. La journée s'annonce donc plus calme et lumineuse. Au max, ce mardi, il fera 8 degrés à Sedan, 11 au Mans, jusqu'à 13 pour Toulon. On n'y comprend donc plus rien. Il y a 10 jours, vous mangiez sans doute encore tranquillement dehors. Et bien tout ça, c'est fini. L'hiver est arrivé sur une bonne partie du pays. Cette nuit, par exemple, on relevait 20 cm de neige à Saint-Etienne, 8 à Grenoble, avec de grosses difficultés, évidemment. Des centaines d'automobilistes sont coincés sur des routes impraticables en Haute-Loire et en Loire. Environ 25 départements sont placés en vigilance neige et verglas à l'heure actuelle, des Ardennes à l'Aveyron, en passant par le Cher, l'Allier ou encore Lyon. Un vieux débat, le Premier ministre a tranché hier, il veut réduire la voilure et supprimer 50 000 postes de fonctionnaires d'État d'ici 2022. Plusieurs pistes pour y parvenir, comme la dématérialisation totale des démarches en ligne. Le gouvernement prévoit aussi de faire appel à du personnel externe, des salariés qui sont donc embauchés sous contrat sans pouvoir bénéficier du statut et donc de certains avantages des fonctionnaires. La France, pays des droits de l'homme, Paris, théâtre d'un grand sommet sur le sujet. Sommet mondial réunissant depuis hier les représentants d'une centaine de pays, des associations comme Amnesty International, Reporters sans frontières ou encore l'Organisation mondiale contre la torture sont là. Des ONG qui œuvrent chaque jour dans des pays sensibles ou en guerre. Du foot ce mardi avec le début des 16e de finale de la Coupe de la Ligue. On a deux matchs au menu ce soir, Montpellier-Nantes et Strasbourg-Lille. Les autres rencontres auront lieu en fait demain. Sans les gros du championnat, les clubs engagés en Coupe d'Europe, comme d'habitude, sont exemptés pour ce tour. On retrouvera donc Paris, Lyon et Marseille en 8e. Un petit peu de tennis aussi. Le Masters de Paris à Bercy en ce moment. Plusieurs Français sur les cours aujourd'hui, notamment le duel 100% tricolore entre Gilles Simon et Lucas Pouille. Benoît Paire, Jérémy Chardy ou encore Pierre-Hugues Herbert sont programmés également. Un joli cadeau de Noël, Sony va ressortir sa première PlayStation en version classique mini, c'est la tendance en ce moment pour les passionnés. La marque vient d'ailleurs de dévoiler la liste des 20 jeux qui seront dispo en même temps. Et il y aura des blockbusters comme Rayman, Ridge Racer, Tekken 3 ou encore Cool Borders 2, arrivé prévu le 3 décembre en France. Décidément, ça ne s'arrête plus, de nouveaux artistes sont confirmés ce matin pour l'Energy Music Awards. Maître Gims, Vianney, Jennifer, Kenji, Amir ou encore Patrick Bruel seront présents à Cannes. La 20e édition de la cérémonie est programmée le 10 novembre depuis le des festivals. La liste s'allonge donc avec les artistes comme Muse, Shawn Mendes ou encore David Guetta qui sont confirmés. Les votes, ça se passe en ce moment sur energie.fr. On est le mardi 30 octobre, c'est la fin de ce flash, il est 6h03 et vous retrouvez le best-of de Manu dans le 6-9 cette semaine. Bonne journée. Coucou les Wawa. Bonjour Isabelle. Bonjour Paulette. Bonjour Glandu. Bonjour Nico. Et bonjour papa. Allez, ça commence. On est mardi aujourd'hui, bon réveil, c'est le best-of de Manu dans le 6-9 qui démarre. Manu et toute l'équipe en mode dodo, au chaud sous la couette, petite semaine de vacances. En tout cas, bien content d'être avec vous là ce matin. Je m'appelle Anto, soyez les bienvenus avec jusqu'à 9h30, le meilleur de l'émission à se réécouter. Le meilleur du meilleur avec forcément les concons du jour qui arrivent comme chaque matin à 6h10. On va écouter Kaiser Panda et pour démarrer ce best-of, un classique que j'adore, le Mamie Bébé Chien. Manu dans le 6-9. Dans le 6-9 sur Énergie, Manu et c'est... Ouais. Énergie. Mamie, bébé, chien. La question est simple. On donne des situations et on se dit, est-ce qu'on préférait vivre cette situation avec une mamie de 90 ans, avec un bébé de 3 mois ou avec un chien? Ouais. Allez, on y va. Qui commence? Ouais. Nico. Faire du pédalo avec une mamie, un bébé ou un chien? Alors, du pédalo. Pas le bébé parce qu'au soleil, le bébé, c'est pas bon pour lui. Bah oui. La mamie, elle va pas vraiment t'aider à pédaler. Ah, c'est chiant. Ouais. Et le chien, il va juste plonger dans l'eau. Ouais, mais justement, le chien, il s'amuse. Ah, je pense. Alors la réponse, exceptionnellement, est seul en fait. Et faut-il faire du pédalo? C'est direct, la mamie, elle a plein d'histoires à te raconter, la mamie. Puis le pédalo, c'est lent, t'es là, tu t'embêtes. Non, mais c'est juste le problème, c'est justement ça le problème. C'est qu'elle va pas arrêter de parler. Et que moi, à un moment, ça va me gonfler, mamie. Hein. Oh. Alors, tu vas rentrer à la nage. Hein. Dis donc. On enchaîne. Autre proposition, Glandu. Allez au casino. Casino, pas le supermarché, le non, casino. Non, casino, le casino, on joue de l'argent. Oui, oui, oui. Moi, j'irai avec mamie, parce que mamie, elle peut être généreuse, donner des petits billets. Ah, c'est vrai. Non, mais une gentille, ta mamie, c'est ta mamie, elle t'aime, tu vois, donc elle peut t'aider à gagner. Ouais, donc mamie, parce qu'elle file la thune, quoi. Oui, allez. C'est pas allez, ça. Mamie. Bah, c'est pas ça, c'est ce que t'as dit, quand même. Ouais, c'est ça. Là, c'est trop tard. Tu dis, c'est dit, hein. J'ai mamie, elle est dans son élément. Tu sais, il y a souvent plein de personnes âgées devant les machines à sous, là. Tu l'installes avec les autres, ils discutent. Ils s'amusent. Ouais, mais c'est vrai, ils s'amusent bien. Non, c'est vrai que l'avantage de ça, c'est que tu la poses devant la machine, mamie, tu la récupères deux jours après. Hein. Ouais. Non, parlez pas comme ça. Un jour, tu serais vieux. Hein. Oui, je sais, pour ça qu'on en profite. C'est toujours ce que je dis, comme ça. Tu sais, un jour, toi aussi, tu seras vieux. Je sais, j'en profite à fond. Mamie, bébé ou chien ont une situation. On a Tiffaine au téléphone. Bonjour, Tiffaine. Salut, mamie. On t'écoute, tu voulais moi, nous proposer. Aller à la bibliothèque. Bibliothèque. Ah. Mamie de 90 ans, bébé de 3 mois ou avec un chien, un glandu. Bébé et chien, ils font du bruit. Et à la bibliothèque, on peut pas faire de bruit, donc j'emmène mamie, moi. Ah, mais mamie, elle bave sur le livre. Oh non, mais arrêtez avec mamie. Non, non, non. Moi, justement, je pense que je prends le bébé parce que ça fait du bruit et comme ça, c'est l'excuse pour ne pas y rester trop longtemps. Génial. Ah. Bah oui, alors. Génial. Je vote pour Nico. Astuce. Ah, merci de nous avoir appelé, Tiffaine. Mamie, bébé, chien, Paulette. En témoin à ton mariage, tu choisis quoi? Oh. Un chien, juste pour que tout le monde se dise, mais ce mec est fou. Manu dans le 6-9. Oui, c'est Manu et tous ces ouin-ouin. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga. Así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués. Conmigo mujer y si no pues tú no ven. Esta noche yo voy a hacerme con el parque. De noche me flauco como Yandel. Con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate el tren, mamacita. Todo el mundo quiere, todas las mami lo quieren. Sé que prefiere, mami, tu cuerpo no miente. La gente. Alors oui, ça pique un peu là ce matin. Oui, dehors il caille. Mais là j'ai deux bonnes nouvelles pour bien démarrer cette journée. Déjà demain soir c'est de nouveau le week-end, vu que jeudi c'est férié, donc ça c'est cool. Et puis surtout, jusqu'à 9h30, c'est le meilleur de Manu dans le 6-9 qui continue. On va parler petit coup de gueule du quotidien. On va écouter MHD, mais juste avant, comme tous les matins à 6h10, ils sont là. Voici les concons du jour. Manu dans le 6-9. Je vous adore les ouin-ouin. MHD. ici. Comme chaque matin, les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. Ouais. On démarre à Angers. Deux hommes ont été arrêtés en pleine nuit alors qu'ils démontaient la roue d'une voiture. Ouais. Donc ça s'appelle du vol. Hein. Ouais. Ils se font arrêter et leur excuse auprès de la police est celle-ci. Alors nous venons de crever, il nous fallait une roue similaire à la nôtre. Et donc on a trouvé celle-là. Alors étonnamment la police n'a pas été émue, ils ont été emmenés au poste. Voilà. Tu m'étonnes. Pourtant c'est normal, on fait tout ça. Je veux dire, ouais. Il y a une tempête par exemple. Ouais. Okay, toutes les tuiles de la maison s'envolent, bah, on va piquer celle du voisin. Bien sûr. C'est évident. Deuxième concours du jour, aux États-Unis, la police a arrêté une automobiliste qui roulait avec un arbre de 4,50 m enfoncé dans le pare-choc de sa voiture. Elle venait de percuter un arbre. L'arbre s'était coincé dans le pare-choc. Ouais. Elle roulait, elle comptait même rentrer chez elle. Ouais. Et en fait, elle dit qu'elle n'avait pas remarqué de problème de visibilité. Elle n'avait pas vu que les airbags comme s'étaient déclenchés. Hein. Bah oui. Et elle a fini par un superbe. Moi, vous savez, tant qu'elle roule, je la garde. Eh ouais. Ça marche pas. Je vous déconseille de passer sous ses roues parce qu'elle ne s'arrêtera pas. Dernier concours du jour, en Russie, Domino's Pizza, tout le monde voit la marque de pizza, la livraison de pizza. Mm-hmm. Domino's Pizza a lancé un concours. Tatouez-vous notre logo et nous vous offrons pour 100 ans de pizza. Non. Oh, voilà. 100 ans. Wow. Mm. Le problème, les gens l'ont fait. Oh. Trop de gens. Plus de 1000 personnes se sont tatouées le logo Domino's Pizza. Quoi ? La marque a dû stopper le concours avant que d'autres continuent. Oh. Et petite précision dans le règlement que tout le monde n'avait pas lu. Seuls les 350 premiers tatoués auront droit au gain. Mais non. Voilà. Plus de 1000 personnes se sont tatouées, ce qui veut dire qu'il y a 650 personnes qui auront un tatouage Domino's Pizza. Et c'est tout. Voilà, voilà. Coup de pub de génie. Ouais, va expliquer l'histoire de ton tatouage à un premier rendez-vous. Ouais. Alors, je suis glouton, je voulais des pizzas à vie, il suffisait de me faire tatouer. Ah, et tu les as eues ? Alors non. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu. Et les wouah. Énergie. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I'm looking through my phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. Trying to find a way to chill. Can't breathe, oh. Is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Hey! Bienvenue sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. Elle habite dans ma ville. Quand elle me croise, elle me vesquille. 5 ans que je la vois. Dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr. Même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute. Elle m'ignore grave. La go m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine. Je devrais pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire? Une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma belle, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mon cœur va chez. Seeing you, I can't move on. You wind up that waist, making me dance. Now I can't move on. Oh my girl, so sexy. The way she dance, so sexy. So she give me love, sexy. You making me once more sexy, yeah. With your sexy body, come and chop my money, yo. Ay ay ay ay. Oh yeah, take all my money, put them for your head. Ay ay ay ay. Make we my they go, baby girl, so. Make you drop all my money. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Eh, ma bella, eh. Ay, ay, ay, ay. Mon cœur va chez là pour toi, ma bella. Ay, ay, ay, ay. Eh, ma bella, eh. Ay, ay, ay, ay. Dans un sourire, un regard ou un petit câlin. Ay, ay, ay, ay. Elle est rentrée dans ma life. Et mon cœur, elle l'a mis game over. C'est dans mes bras qu'elle va trouver le bonheur. Elle est rentrée dans ma life. Et mon cœur elle a mis game over. Hey ma bella, hey. Aïe aïe aïe aïe. Mon cœur va chier là pour toi ma bella. Aïe aïe aïe aïe. Allez, debout tout le monde, bon réveil, 6h18, on est mardi matin, le 30 octobre, et c'est le meilleur de Manu dans le 6-9 qui continue. Manu qui a trouvé une étude, quelque chose de très sérieux évidemment, limite scientifique, une étude selon laquelle il faudrait moins de 5 secondes pour trouver son ami relou. Oui, celui qui demain va vous faire des blagues bien pourries sur Halloween. On se fait ça après Kygo, Imagine Dragons et la suite de ce best-of. Manu dans le 6-9. Sur Énergie. C'est Manu et les ouin, ouin, ouin du matin. Manu dans le 6-9. Énergie. C'est le moment. Oh là là. Nico veut pousser un coup de gueule. Eh ouais. Attention. Ah bah. Ah, je suis désolé. Hein. Alors, Nico veut pousser un coup de gueule. Ouais. Contre la farine. Et c'est important. Hein. Alors, je n'en sais pas plus, mais oui. Il m'a dit j'ai un coup de gueule contre la farine. Ah, mais c'est juste une question en fait. Hein. Vas-y. Uh-huh. C'est quoi le délire avec. Non, mais c'est vrai. C'est quoi le délire avec les sachets de farine? Parce que j'en ai acheté un hier, j'avais besoin de farine pour chez moi. Je suis allé au supermarché et j'ai vérifié, Manu. J'ai pris tous les sachets de farine qu'il y avait dans le rayon. Ils fuient tous. Tous. Putain, c'est vrai. Et toujours. C'est vrai. Toujours. C'est vrai. Pourquoi c'est vrai. Est-ce qu'on n'invente pas un truc qui fuit pas? Mais ouais. Tu sais quoi? Mais t'as raison. C'est chiant. Tous les paquets de farine fuient tout le temps. Ce qui fait que t'en as partout. T'en as sur les mains, t'en as dans ton sac de course, t'en as chez toi. La farine, ça fuit. Les sachets de farine, ça fuit. Bah, c'est pas bien, c'est mon coup de gueule. Mais t'as raison, mec. Voilà. Je trouve qu'il a raison, mais c'est un peu écolo la farine. C'est toujours dans un papier en fait, mais en non. Carton. Alors que si c'était dans du plastique, ça fuirait pas. Ah. Tu vois, si c'était dans une boîte en plastique, t'as déjà acheté de la farine, Manu? T'as l'air très surpris. J'ai déjà vu. De loin. Non, quoi. J'ai, honnêtement, la vérité, j'ai déjà vu marqué farine dans les rayons du supermarché. Ouais. Mais pour moi, c'est anti-écologique parce qu'il y a énormément de pertes de farine. T'imagines? La vérité, c'est que si le sachet ne fuyait pas, on serait déçus. On serait déçus. On est habitué à ce sachet. Oh non. Alors, mais si. Alors, peut-être qu'il a raison. Peut-être que le fait que ça fuit, on se dit, ouais, c'est traditionnel. Ah bon, c'est fait maison, c'est artisanal. Ouais, mais j'aime pas ça, moi. J'aime pas ça. Moi, je suis d'accord avec toi, Nico, mais je veux dire, un petit coup d'éponge sur le plan de travail, on n'en parle plus. Enfin, tu vois, c'est pas si grave que ça, quand même. Ça m'ajoute du boulot et j'ai pas envie. Et puis le mot, franchement, farine, plan de travail, les mecs. Non mais toi, j'ai rien contre France 5, mais bon. Parle d'autre chose, quoi. C'était mon coup de gueule du quotidien. Maintenant, voilà. T'avais un... Voilà, c'est ça. Pardon. Coup de gueule du quotidien. Tu sais quoi ? C'est ça. Je propose un truc. Passons tous un coup de gueule du quotidien. Mais attention, ah ouais. Il faut qu'il soit aussi intéressant que la farine qui fuit. Hein. Ah, merci. 0870-42-48. Glandu. Moi, je reste dans l'univers gastronomique, c'est les knackis qui éclatent dans le micro-ondes. Ça me rend fou, ça. Ouais. Effectivement, c'est... des fois, on se dit, c'est pas juste. Mais oui, ouais. Elles sont éventrées et tout. Ouais, moi, j'ai envie qu'elle reste belle, la knacky, comme ça. Bien sûr, bien sûr. Et donc, ouais. Ce qui nous rappelle quand même que Glandu a une, comment dire, une nourriture équilibrée chez lui. C'est ça. Voilà. Knacky purée. Je suis choquée. Ah, ouais, t'es choqué par Ah non mais une saucisse dans le micro-ondes là, je suis très choquée. Non ça, il faut falloir qu'on parle après l'émission là. C'est le principe des knackis, Isabelle. Mais arrêtez, mais non. Attends, mais les knackis, tu les fais chauffer où, comment? Mais dans de l'eau frémissante. Oh, c'est le minimum. Ah, arrêtez, non, enfin. Parce qu'elle parle des knackis du boucher, non. Oh là là, mais reprenez-vous les garçons. Non mais nous on parle des knackis en plastique. Oh, je me sens mal. Julien, bonjour. Salut Manu, c'est tout le monde. Bienvenue sur Énergie, Julien. Quel est ton coup de gueule du quotidien? Mon coup de gueule du quotidien, c'est contre les roues des chariots des supermarchés. Parce que, tu vois, le chariot, tu le choisis, ton chariot. Tu prends le meilleur, et ça se bloque. Reviens, Julien, reviens avec colère. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a un problème sur les roues des chariots au supermarché. Le caddie, tu penses qu'il va aller tout droit, et tu sais pas pourquoi, mais il veut vivre sa vie et partir vers la droite. Et oui, il veut plus faire du skate comme ça dans les allées du supermarché. Ah, il fut vrai. Un temps qu'on a connu, nous, évidemment, où le caddie, tu le lançais, il allait tout droit dans le rayon. Voilà. Maintenant, ça part à volo. Après, c'est un peu dangereux, faites attention. S'il y a beaucoup de monde, ça peut être compliqué. Ah, ne lancez pas les caddies sur les gens. Voilà. Merci de nous avoir appelé, Julien. Quel est votre coup de gueule du quotidien? Sur Twitter, avec le hashtag Manu dans le 6-9, il y a Malika qui dit l'angle de ton drap qui se barre pendant la nuit. Pourquoi? Oh, oui. C'est vrai. Ouais. C'est pas juste. C'est pas juste. Ouais. Paulette. Les tables bancales qui dans les terrasses de café, j'en peux plus. J'en ai marre. C'est des vrais problèmes, oui. Clac, que le mec il arrive à chaque fois, attendez, bougez pas, je vais vous la caler avec le sous-mot qui fait en pas, et coller la cale, coller là, qu'on est plus aussi. Non, c'est trop. Ok, voilà. D'accord. Ton verre il tombe, c'est du gaspillage. Oui, bah attends, si le verre il tombe parce que la table est bancale, il y a un moment, il faut changer la table. Parce que c'est quand même. Je sais pas où tu vas boire des verres, mais enfin, c'est quand même bizarre. Arrête de boire des verres dans le décor penché de vendredi, tout est permis. C'est ça. Coup de gueule, Isabelle. Les profs qui donnent des devoirs la veille pour le lendemain. Là, il faut vraiment que ça s'arrête. Non, vraiment, je n'en peux plus. C'est-à-dire que tu penses que tu vas passer une belle soirée, une bonne soirée. Soudain, tu ouvres le cahier texte et là, qu'est-ce que tu vois? 5 exercices de physique pour demain. On vous rappelle que Isabelle est. Et en train de repasser sa seconde. Non mais j'ai 3 enfants, t'imagines les devoirs? Je deviens folle, hein, moi j'en peux plus, hein, j'ai plus dit. Et bah t'avais qu'à pas en faire. Oh non. Tu sais quoi, c'est de ta faute. Ah ouais, bien sûr, ouais, bien mais sûr. C'est vrai qu'avant on t'explique pas ça. Mais oui. Si on m'avait dit. Non, je les aurais fait quand même. On t'enverra une photo de nous en train de boire un verre ce soir. Merci les amis. T'en prie. Manu. Manu et les wa. 6h-9h30, tous les matins sur Énergie. I know I've given up 100 times before, but I know a miracle is not something to ignore. You take me for a fool, you take me for. Thank you. le petit café qui va bien et beaucoup de choses qui arrivent dans la suite du best-of de Manu dans le 6-9. On va parler colocation, on va parler aussi de notre ami relou, oui, celui qu'on connaît tous, qui s'incruste, celui qui sort chaque année pour Halloween les vannes bien gênantes. Et ben Manu a trouvé une étude sur le sujet, on se fera les sondages du jour évidemment comme chaque matin à 6h40. Alvaro Soler, The Prince Karma pour les hits et puis les infos sur Energy, ça arrive dans 2 minutes. Leur destin sont entre vos mains. Votez maintenant pour vos artistes préférés sur énergie.fr. Les Energy Music Awards avec Refix.fr. Vivez l'événement en devenant le meilleur fan. Le 10 novembre à Cannes, en direct sur TF1 et Energy. It's music only. La fraîcheur vous gagne. Leclerc. Chérie, en ce moment avec la carte Leclerc, tous les 25 euros d'achat, tu reçois des points. Et avec 10 points, cette boîte de conservation sous vide Nutri-Fresh est à 50 centimes seulement. Et pour 2 points et 50 centimes de plus, la pompe à vide d'air qui va avec. Génial ça, pour conserver les produits frais. Jusqu'au 10 novembre avec votre carte Leclerc, collectionnez des points pour obtenir des ustensiles Nutri-Fresh. Voir modalité sur www.lafraicheurvousgagne.leclerc. La fraîcheur me gagne. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Avec tous les podcasts Énergie. Énergie, it music only. Leclerc. Philippe, cette fois qu'a acheté du whisky ? Oui madame, chez Leclerc, un Clan Campbell Blended Scotch Whisky. Une robe ambrée, des notes florales, un arôme légèrement fumé qui mêle malt et caramel et avec 30% de ticket Leclerc. Dis donc, t'as étudié la question. 30% de ticket Leclerc. Du 30 octobre au 10 novembre chez Leclerc, la bouteille d'un litre de Clan Campbell est à 17,85€ avec en plus 30% de ticket Leclerc. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ah l'Écosse, ses traditions et ses Clan Campbell avec du ticket Leclerc. Chérie, j'ai une grande nouvelle, on change de box. Ah bon? Mais pourquoi? Bah parce qu'en ce moment, Free propose la Freebox Révolution à 19,99€ par mois. On est obligé de sauter dessus. Et en plus, on aura la fibre, t'imagines? Ah oui, j'ai surtout envie de te sauter dessus. Hein? Mais qu'est-ce que fait? Non mais doucement chérie. Merci Free. Freebox Révolution avec TV by Canal Panorama, en ce moment à 19,99€ par mois pendant un an au lieu de 44,99€. Appelez gratuitement le 1044 ou rendez-vous sur free.fr. Offre soumise à condition, engagement 12 mois sous réserve d'éligibilité à la fibre. La fraîcheur vous gagne. Leclerc. Chérie, en ce moment avec la carte Leclerc, tous les 25 euros d'achat, tu reçois un point. Et avec 10 points, ce couteau Nutri-Fresh est à 50 centimes seulement. Superbe! À moi, les produits frais à découper. Parce qu'avec les espaces d'aération sur les lames, la coupe des aliments prend une autre dimension. Jusqu'au 10 novembre, avec votre carte Leclerc, collectionnez des points pour obtenir des ustensiles Nutri-Fresh. Voir modalité sur www.lafraîcheurvousgagne.leclerc. La fraîcheur me gagne! Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Et en mode best-of là pendant les vacances, le meilleur de Manu dans le 6-9 qui continue. On écoute Alvaro Soler et puis des infos sur Énergie. Il est pratiquement 6h30. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Anto, bonjour à tous. La météo, c'est compliqué ce matin dans un large quart nord-est avec encore des chutes de neige annoncées pour quelques heures. Ça ira mieux en tout cas dans l'après-midi, retour de timides éclaircies. Dans les autres régions, ce mardi s'annonce plutôt agréable et lumineux. Le calme et la fin de l'alerte inondation dans le Var notamment. Les températures restent assez froides. Au max, on aura 6 degrés à Montbéliard, 11 à Laval, 11 aussi à Albi. L'actu ce matin, c'est donc la neige qui a débarqué en force. Une grosse quinzaine de départements sont en vigilance, des Ardennes à la Corrèze en passant par la Côte d'Or et le Cher. On retrouve ces images traditionnelles de l'hiver beaucoup plus tôt que prévu. Des centaines d'automobilistes, par exemple, sont bloqués sur les routes impraticables de Loire et de Haute-Loire. Il y a aussi des coupures de courant. Plus de 20 cm de neige sont tombés cette nuit à Saint-Étienne, 3 à Bourges. Un constat alarmant, selon les derniers rapports du WWF, le nombre d'animaux vertébrés sur Terre a baissé de plus de 60% en près de 50 ans, avec une accélération derniers temps. Des espèces sont plus que jamais menacées comme les éléphants. Et évidemment, c'est l'homme qui est à l'origine de cette catastrophe avec la chasse, la pêche intensive, mais aussi la déforestation. Et le foot, la Coupe de la Ligue, les 16e de finale au programme aujourd'hui et demain. On a deux matchs en ouverture ce soir. Montpellier-Nantes et Strasbourg-Lille. Les clubs qui jouent l'Europe sont exemptés de ce tour. Paris, Lyon et Marseille entreront donc dans la compétition seulement en 8e. C'est un peu la tradition pour passer un bon Halloween. Une soirée cinéma d'horreur entre amis, ça marche toujours très bien, surtout avec le retour du film Halloween en salle, par exemple avec Energy. On peut aussi frissonner depuis son canapé, ressortir les classiques, bonbons, popcorn et surtout un bon scénario bien flippant. Et c'est exactement ce qu'ont prévu de faire Jérôme, Néwin, Jade et Thomas demain soir. Freddy. Les griffes, le visage et tout, surtout la scène où on voit à un moment une griffe de Freddy sortir du bain, ça fout toujours les chocottes, même si ça a 20 ans, 30 ans en arrière. Alors moi, c'est Esther. C'est une petite fille qui a été adoptée par une famille. Et en fait, à la fin, cette petite fille, en fait, n'est pas une petite fille. C'est une adulte de 40 ans qui a réussi à cacher ses formes. Elle est très petite et elle veut tuer tout le monde. Malade mentale. Moi, c'est la nonne. Je l'ai vue il y a pas longtemps. Ça fait sursauter à mort. Et avec des esprits. Quand j'étais petite, j'allais dans les églises. Alors là, avant que je remette un pied dans une église, ça m'a vraiment fait peur. Moi, ce serait peut-être, à l'époque, c'était une trilogie Saw. C'est très, très gore. C'est des gens qui sont enfermés souvent. Ils se réveillent, ils savent pas où ils sont. Ils doivent repousser leurs limites, aller presque vers la mort pour montrer qu'ils se repentissent. En fait, c'est une histoire assez psychologique. Voilà, des propos recueillis par Morgane Barthélémy. Pour ceux qui cherchent encore quoi faire, le parc Astérix, Disneyland ou encore le manoir de Paris dans la capitale ont mis le paquet pour fêter Halloween jusqu'à la fin des vacances. Allez, on termine avec les Energy Music Awards, puisque de nouveaux noms sont confirmés pour la cérémonie le 10 novembre en direct du Palais des Festivals de Cannes. Il y aura par exemple Maître Gims, Vianney, Jennifer, Kenji, Amir et Patrick Bruel qui seront bien présents. 6h32, c'est la fin de ce flash mardi 30 octobre. Bon réveil avec le best-of de Manu dans le 6-9 cette semaine. Bonne journée. C'est le best-of qui se poursuit. Petite semaine de vacances pour Manu et ses ouin-ouin. De retour évidemment dès lundi. D'ici là, bah, je garde la boutique, hein. J'ai tout ce qu'il faut. Le café, les croissants et surtout le meilleur de l'émission, le meilleur de Manu dans le 6-9 pour bien démarrer ce mardi 30 octobre. On va parler colocation avec une histoire plus que très très gênante. Les sondages du jour arrivent comme chaque matin à 6h40. On va écouter Alvaro Soler et The Prince Karma. Et juste avant sur Énergie, la suite de ce best-of. Manu dans le 6-9. C'est Manu sur Énergie. Écoutez bien, vous allez avoir 5 secondes pour réfléchir. Ouais. Ouais. Selon une nouvelle étude, il nous faudrait moins de 5 secondes pour donner le nom de notre amie la plus relou. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on y va, on balance. Nico. Mon pote Clément. C'est un très bon pote, hein, je l'adore, mais 9 fois sur 10, au soirée, il se ramène avec quelqu'un que tu connais pas et que personne connaît. C'est relou. Et évidemment, il te prévient 10 minutes avant en mode ça te dérange pas si un tel vient. Alors, qui est un tel? Bah, c'est le cousin d'un pote, d'un machin. Il est là, un peu en galère, est-ce qu'il peut venir? Bah, si, en fait, ça me dérange. Ouais. Et souvent, il vient, mais il apporte pas une bouteille. Ah, bah, évidemment. Ah, évidemment. Désolé, j'ai pas eu le temps, je suis venu les mains vides. Bah, repars chez toi, du coup. Clément, le pote relou de Nico. Ah ouais. 0870-42-48. Je décide que c'est un très bon sujet. Qui est votre pote relou, Paulette? Moi, c'est Alice. Direct, elle est psy, elle analyse tout, c'est hyper chiant. Même quand, par exemple, un mec va venir me parler en soirée, gentiment, hein, elle me dit non mais tu vas pas commencer une histoire, t'es sûr que tu vas pas rentrer dans une relation toxique avec lui? C'est chiant. Ah mais tu sais quoi, les gens qui ont un boulot et qui font ce boulot, ils le font aussi dans la vie normale. Elle le lâche jamais. Non mais c'est comme si moi je suis en soirée et que j'annonce les titres qui vont passer. Non mais c'est absurde. C'est la même chose. J'ai un ami relou. En 5 secondes, je peux trouver. Mais j'en ai déjà parlé, c'est Philippe. Le mec qui perd toutes ses affaires et qui casse toutes tes affaires. Oh Philippe. Et qui perd toutes ses affaires et qui oublie tout le temps sa carte bleue au restaurant. On est parti en vacances. À chaque fois qu'on part à l'étranger, tu peux être sûr qu'il va perdre ses papiers d'identité, ouais. Qu'on va perdre 2 jours parce qu'il faut aller à l'ambassade de France pour refaire ses papiers de merde. Ouais. Il nous fait chier. Mais Philippe cumule, hein. Il a pas qu'un seul problème visiblement. Ouais. Il perd, il oublie, il y a trop de choses. Hein. Ça va déborder un jour. C'est mon ami relou. Ça a déjà débordé. Marjorie, bonjour. Bonjour Manu, bonjour à tous. Salut. Qui est ton ami relou? Moi c'est ma copine Sophie. C'est qui Sophie? C'est une amie à moi depuis 15 ans déjà. Et alors? Et donc c'est qu'elle me donne toujours des conseils sur ma vie de couple alors qu'elle est célibataire depuis 2 ans. Voilà. Tu sais quoi, en fait, fait tout l'inverse. Elle le fait exprès pour t'empêcher d'être en couple. Elle veut que tu sois comme elle. Merci de nous avoir appelé, Marjorie. Qui est votre amie relou, Isabelle? Moi j'ai mon pote Nico. Alors lui il est hyper cultivé, vraiment. Pas Nico. Il t'entend. Okay. C'est gênant. Non, c'est pas lui. Okay. Alors il sait tout sur tout, le mien, le Nico que je connais. Et donc il est tout le temps en train de me reprendre. Du style, tu connais pas la capitale de la Namibie, quoi. Non mais Isa, quoi. Attends. Il parle comme Nabila en plus. Tu m'étonnes qu'il est relou. Voilà. Stéphanie, bonjour. Bonjour Manu, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Énergie. Qui est ton pote relou?

dead bitches. Sur Énergie, un bon réveil en plein cœur du meilleur de Manu dans le 6-9 et on va parler colocation. C'est une auditrice qui s'appelle Bérénice qui avait appelé Manu au 0870 42 48 et qui a vécu un moment, je pense que plus gênant c'est pas possible. Avant ça, il y aura 3 cafés gourmands et puis là comme chaque matin à 6h40, voici les sondages du jour. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie. Comme chaque jour, les sondages du matin. Ah. Ouais. En moyenne, un couple fait ça 69 minutes par semaine. D'après vous, de quoi il s'agit, Nico ? S'engueuler. S'engueuler ? Non, c'est non. Plus que 69 minutes, ça. Ah. Je sais pas. J'ai pas parlé d'heures, parlé de minutes. Ah, pardon. C'est pas ça. Paulette ? Parler des tâches ménagères ? Non, non plus. Regarder une série ensemble ? Non plus. Bah, s'embrasser ? Eh ben, c'est presque ça. En ouais. Moyenne, un couple fait ça 69 minutes par semaine. C'était faire l'amour. Oh ah non. Ouais. Ah, 69 énorme. Minutes par semaine. 69 minutes par semaine. Tu dis que ouais. C'est énorme, Nico ? Ouais. Bah non, ça fait quand même 10 fois par semaine. D'accord. Okay. Pardon. C'est gênant. On va enchaîner. Selon une nouvelle étude, c'est la chose que nous attendons le plus d'un nouveau smartphone. Qu'est-ce que vous attendez le plus d'un nouveau smartphone ? Un bon appareil photo. C'est pas ça. Du bon son. Du bon son non plus, Glandu. Qu'il soit incassable. Qu'il soit incassable, Paulette, c'est pas ça. Tu ferais que la batterie, elle tienne. Eh ben c'est exactement ça. Ah ouais ? Ouais. Ah ben ça m'étonne pas. C'est la chose qu'on attend le plus d'un nouveau smartphone, une batterie qui tient plus longtemps. Ouais, on l'attend. Ah ouais. On l'attend. Ça fait des années. Il y en a qui vendent des smartphones sans batterie. Ah bon ? Deux. Le nom iPhone. Non, c'est pas vrai. Non. Alors, il est bien caché. Hein. Ouais, ils les vendent cher, mais il y a un peu de batterie quand même. Ah tu payes la batterie, tu la payes bien, mais tu la payes. Ah, mais c'est quand même pas le truc qui est le plus solide dedans quand même. Non. On sait qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Après, ayez toujours sur vous un petit chargeur portable au cas où. Voilà. Une batterie externe. La meilleure solution avec les iPhones pour paniquer la batterie, c'est de pas l'allumer. Ouais. Dernier sondage. 61% des gens avouent être prêts à le faire pour leur animal de compagnie. Ils sont prêts à faire quoi ? À se priver de nourriture. Pour le nourrir. J'ai fait des pâtes, mais c'est pas pour moi. C'est pas ça. Leur faire une soirée d'anniversaire. Non plus. Rater une soirée. Non. Changer leur projet de vacances. Non plus. Non, c'est encore plus. C'est un niveau au-dessus. Ah ouais. Ouais. Ça a un rapport avec quelqu'un d'autre ? Oui, ça a un rapport avec quelqu'un d'autre. C'était leur mec ? Eh ben, c'est quasiment ça. Leur mec ou leur nana. Ou leur nana, ouais. 61% des gens avouent être prêts à rompre avec quelqu'un pour leur animal de compagnie. Wow. J'aime pas ton chat, j'ai du mal avec les chats, je romps. Bah oui, je vais pas dégager mon chat. Tu vois, il va pas trouver d'autre habitat, moi, par exemple. Mmh. Bah, et du coup, tu dégages ton mec. Bah lui, il trouvera un autre habitat. Et, et toi, tu restes seul. Eh oui. Avec ton chat. Eh oui. Oh merde. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. À acheter des tableaux et des vaches en photo. C'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y'aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit coup de gnoll. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre. Plus sur les monnaies d'hier, c'est pire qu'un testament. Au-delà d'une confidence, on est les petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants, bâillonnez s'il le faut, mais prenez. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, sers-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, sers-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Allez, bien motivé là ce matin, on est mardi le 30 octobre, 6h48 sur Énergie. Là dans la suite du meilleur de Manu dans le 6-9, on va écouter Drake, l'homme qui avait distribué $1 million à des inconnus dans son clip. Ce qui est pas mal, hein, ce qui est presque aussi bien que Manu qui doublait salaire chaque matin. Manu qui fait salaire x2 à 7h05 et 8h05. Vous inscrivez sur énergie.fr et puis Drake, on va l'écouter juste après la suite de ce best-of. Manu dans le 6-9. Il répondait au nom de Manu, de 6h à 9h tous les matins. 6h, 9h30 tous les matins. Sur Énergie. On va prendre Bérénice au téléphone. T'es là, Bérénice ? Oui, salut l'équipe. Salut. Alors, Bérénice, tu es en colocation, c'est ça ? C'est ça, je suis en colocation avec un garçon. Avec un garçon. Oui. Et Bérénice, ça peut arriver des fois en colocation, a surpris son coloc, donc c'est un homme. Hein. Oui. Et depuis, il y a un petit peu de tension entre deux, on t'écoute. Alors oui, en fait, j'ai surpris mon coloc en train de se faire un plaisir solitaire sur le canapé. Wow. Et depuis, alors on va pas dire tension, mais enfin, oh. C'est froid. Oh là, en fait, il rejette la faute sur moi parce qu'il dit que je suis rentrée plutôt que prévu. Donc voilà, super sympa. Et voilà, est-ce que vous aussi vous avez des histoires de masturbation? C'est génial. Attends, Bérénice. J'adore. Ça fait 8 ans qu'on est sur Énergie. Personne vous l'avait demandé. Jamais personne ne nous a raconté une histoire en disant et vous, vous avez des histoires de masturbation? Ah bah écoute, si ça peut t'aider. Mais oui, c'est ça. Oui. Je vais te dire oui, j'en ai. Ouais. Ah ouais. Ah mais alors je vais vous raconter l'histoire d'un mec. Je ne donnerai pas son prénom. D'accord. Je ne dirai pas qui c'est car il est peut-être peut-être un peu connu. Ah ouais. Quelqu'un de célèbre? Non, pas célèbre, mais vous pouvez avoir croisé son nom. D'accord. Voilà, je ne dirai pas qui c'est, mais regarde, c'était quand il était ado. Ouais. Il était dans sa chambre. Et bon, bah, quand t'es ado, qu'est-ce que tu fais? Oui, ça t'arrive, hein, tu te donnes du plaisir solitaire, oui. Même quand t'es adulte d'ailleurs. Mmh. Il était là, il le fait dans sa chambre. Mmh. Et il a une petite particularité, c'était à l'époque, il faisait de temps en temps des crises d'épilepsie. Oh. Bah voilà. J'imagine la scène. Et bah voilà, il est dans son lit, enfin sur son lit. Donc, le pantalon baissé, en train de se masturber. Ouais. Et à ce moment-là, il a une crise d'épilepsie. Oh. Il a une crise. Oh. Et donc, sa main se contracte. Oh. Sur le zizi. Aïe. Et il bouge. Il bouge parce qu'il fait une crise d'épilepsie. Oh, et en bougeant, ça fait du bruit. Forcément. Et oui. Il se dit, merde, il y a un problème. Sa mère est dans la maison. Plus il fait de bruit, plus sa mère va pouvoir l'entendre. Bah ouais. Mais il ne veut pas une chance, c'est que sa mère rentre dans la chambre alors que lui a la main bloquée sur son zizi, en train de se masturber. Ah non. Et arrive ce qui arriva parce qu'il y avait trop de bruit et que sa mère, elle savait qu'il faisait des crises d'épilepsie, donc il se dit oh merde, il y a un problème. Ouais. Elle arrivait, a ouvert la porte et elle l'a vu. Oh non. Et il a dit c'est pas génial, c'est pas ce que tu crois. Tu m'étonnes. Ah ouais. C'est son histoire de sa vie. Waouh. Il va mieux, sachez-le. Ah, ok, d'accord. Voilà, tu voulais une histoire réaliste, on a eu. Paulette. Et ça m'est arrivé aussi, hein. Mais comment pas avec un coloc, avec mon ex quand même. Parce que pareil, comme Bérénice, je suis rentrée plus tôt du travail et je l'ai surpris en train de s'éclater, hein, dans le salon. Devant son ordi. Donc c'était gênant, mais sur le coup moi je m'en fiche, il fait ce qu'il veut et puis s'il s'éclate, moi je suis contente pour lui. Après il regardait quand même devant Envoyé spécial. Hein. Non, c'est pas ça justement qui est terrible. C'est que je suis arrivée et j'ai voulu regarder quand même l'ordinateur, je voulais voir ce qu'il regardait, quoi. Je m'intéresse quand même à ses besoins. Oui. Et là je vois que les filles elles sont brunes avec des gros seins. Regarde-moi. Blonde avec des petits seins. Ouais. Ouais. Mais je peux te dire que j'ai fait la gueule un bon mois. Honnêtement, si c'était une blonde avec des petits seins, c'est toi, donc c'est dans son fantasme. Oui, c'est ça. Je veux qu'il reste dans son fantasme, dans sa bulle. Il sort pas. Ah ouais, ok. Ouais, tu vois. Ouais. Voilà. Ouais, mais tu sais, c'est comment dire. C'est comme quand on va dans un, je sais pas, quand on va au cinéma, tu vois. Tu me compares à un cinéma. Bon, bah, continuons dans les histoires. Alors, Glandu, t'en as une ? Oui, j'en ai une belle, moi. C'était un week-end entre potes. On était une dizaine. On avait loué un gîte. Et là, on se réunit tous dans le salon. On commence à prendre l'apéro. Et là, on commence à entendre des gémissements sortir sur l'enceinte Bluetooth qu'un de nos amis avait apporté. Et cet ami en question, qui appartenait à l'enceinte Bluetooth, n'était pas avec nous. Il était dans sa chambre. Et en fait, donc, son PC s'était connecté automatiquement à l'enceinte Bluetooth. Et bon, on a compris qu'il était en train de prendre du plaisir solitaire, quoi. C'est génial. Ouais. Et j'ai une histoire pareille que toi. C'est vrai? On était en vacances. Il y avait une enceinte Bluetooth. Donc, on se connecte tous dessus pour mettre de la musique. Ouais. OK. Il y a un pote qui se connecte dessus. Et il part. Et ensuite, il est allé aux toilettes. Pareil. Il est aux toilettes. Oh, mais non. Il oublie que c'était le dernier connecté. Oh là là. On connaît pas le nom du site, mais on sait quel style de musique il écoutait. Bérénice, tu voulais des histoires, t'en as eu. Trop bien. On t'embrasse, Bérénice. Je pense pas qu'on t'ait résolu ton problème, mais on s'est bien marré. 6h, 9h30. C'est Manu dans le 6-9. Allez, Manu sur Énergie. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And then when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Track money, Benny, hey. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny, hey. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. Two bad bitches and we kissing in a way. Kissing, kissing in a way. Kissing, kissing in a way. That black card in the code to the safe. Code to the safe, code to the safe, safe. I show 'em how to network. Fuck that Netflix and chill. What's your network? Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always. I need you, and I'm down for you always. KB, do you love me? Et Drake, il est nommé évidemment pour les Energy Music Awards, notamment pour l'artiste masculin international de l'année. Vous continuez de voter là sur energy.fr, allez-y au petit déj, vous cliquez, vous choisissez, vous soutenez vos artistes préférés. Et puis d'ici la suite du meilleur de Manu dans le 6-9. Oui, on le démarre ensemble ce mardi 30 octobre avec dans la suite du best-of notamment Georges, l'intelligence artificielle la plus gênante de France. On va faire ça dans quelques minutes. L'appel automatique de Georges, Vita Slimane aussi, et puis les infos sur Energy, c'est dans moins de 2 minutes. À tout de suite. Gagnez 10 000 euros dans le cash-cash sur Énergie avec Coé à 17h30. Bonjour, je m'appelle Coé, on est sur Énergie. Comment ça va? Je suis sous la pluie, mais ça va. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es sous la pluie? Ben, parce qu'à Nice, il pleut. Attention, ouverture de l'enveloppe. Oh là là. Quoi? J'ai pas gagné. Bénédicte, tu gagnes 10 000 euros. Ah, 10 000 euros, les amis! Ouais, oh là là! 10 000 euros qu'on va vous envoyer dans quelques jours! Génial. Oumi, ma chérie maman a gagné 10 000 euros. T'es contente? Oui. Inscrivez-vous maintenant en envoyant Coé au 7-10-12. Leclerc. Philippe, c'est toi qui as acheté du whisky? Oui, madame, chez Leclerc. Un Clan Campbell Blended Scotch Whisky. Une robe ambrée, des notes florales, un arôme légèrement fumé qui mêle malt et caramel. Et avec 30% de tickets Leclerc. Dis donc, t'as étudié la question. 30% de tickets Leclerc. Du 30 octobre au 10 novembre chez Leclerc, la bouteille d'un litre de Clan Campbell est à 17,85€ avec en plus 30% de tickets Leclerc. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ah, l'Écosse, ses traditions et ses Clan Campbell avec du ticket Leclerc. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, avec 150 radios digitales. Énergie, hit music only. En ce moment, dans les magasins U, ce sont les ventes privées live. Et Julia, responsable du rayon frais, dit à Jean. Pour l'achat d'un camembert pasteurisé président Origine France, vous avez 60% de remise immédiate sur le second. Soit 1,89€ les deux camemberts. Ça sent bon les bonnes affaires, ça. 1,89€. Oula oui, c'est fort. Très fort. Alors dépêchez-vous. Les ventes privées live, c'est jusqu'à samedi dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com. Soit les deux boîtes de 250 grammes chacune à 3,78€ le kilo. U. Commerçons autrement. Pour votre santé, bougez plus. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Allez, debout. Bon réveil avec un bon best-of de Manu dans le 6-9. On écoute aussi Vita et puis les infos sur Énergie, il est presque 7h. L'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Anto, bonjour à tous. L'épisode neigeux devrait se prolonger toute la matinée dans un large quart nord-est. Ce sera en principe assez nettement du mieux cet après-midi avec le retour des éclaircies en fin de journée. Pas mal de soleil au menu dans les autres régions du matin au soir. D'ailleurs, le Var reste en vigilance inondation. Le Var n'est plus, pardon, en vigilance inondation après les pluies diluviennes d'hier. La journée s'annonce beaucoup plus calme et lumineuse. Au max ce mardi, il fera 8 degrés à Sedan, 11 au Mans, 13 à Toulon. L'hiver en automne, ça arrive. La preuve, la France vit donc son premier épisode neigeux aujourd'hui. Jusqu'à 20 cm tombé cette à Saint-Etienne. 400 véhicules sont bloqués sur l'autoroute en ce moment dans la zone. Au total, une grosse quinzaine de départements sont concernés ce matin, de la Corrèze à la Haute-Marne, en passant par le Cher et les Ardennes. Soyez très prudents au volant, évidemment. Ce sera chaud, le gouvernement se lance dans une réforme explosive. Le Premier ministre a annoncé hier la suppression de 50 000 fonctionnaires d'ici 4 ans. Ça passera par une meilleure efficacité, mais aussi la dématérialisation totale des démarches en ligne, c'est difficile à dire. Il y aura également plus de personnel externe, des salariés qui sont donc embauchés sous contrat sans pouvoir bénéficier du statut et de certains avantages des fonctionnaires. Une véritable catastrophe. En un petit peu moins de 50 ans, le nombre d'animaux vertébrés a diminué de plus de moitié dans le monde. Bilan dramatique du nouveau rapport du WWF. Certaines espèces comme les tigres, les pandas, les éléphants et les baleines sont en voie d'extinction. Toutes les zones du globe d'ailleurs sont touchées par les ravages de l'activité humaine. La chasse, la pêche et la déforestation posent question. On passe au foot avec deux matchs au menu ce soir. Début des 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Montpellier-Nantes et Strasbourg-Lille au menu. En attendant les autres rencontres demain, pas de Lyon, Marseille ni Paris en revanche. Les clubs engagés en Coupe d'Europe n'entreront dans la compétition qu'en 8e. L'un des plus grands tournois de tennis de la saison, le Paris Masters à Bercy, a débuté hier dans la capitale. Le programme du jour est très Frenchy, duel 100% tricolore entre Gilles Simon et Lucas Pouille. Benoît Paire, Jérémy Chardy ou encore Pierre-Hugues Herbert sont programmés également. Encore une console en mode vintage. Cette fois, c'est Sony qui va ressortir l'un de ses blockbusters. La première PlayStation sera disponible le 3 décembre, juste avant Noël, en version classique mini. C'est la grande tendance du moment dans le monde du gaming. On connaît d'ailleurs depuis hier la liste des 20 jeux prévus en même temps. Il y aura par exemple Rayman, Ridge Racer, Tekken 3 ou encore Cool Borders 2, arrivé prévu donc le 3 décembre. De nouveaux noms à l'affiche d'Energy Music Awards. Ce matin, Maître Gims et Vianney officialisent leur présence sur la scène du Palais des Festivals de Cannes le 10 novembre. Jennifer, Kenji et Amir confirment également leur venue. La liste s'allonge donc avec Muse, Shawn Mendes ou encore David Guetta officialisé hier. Les votes, comme d'habitude, ça se passe en ce moment sur energy.fr. Il est 7h01, c'est la fin de ce flash mardi 30 octobre. Le best-of de Manu dans le 6-9 cette semaine, ça continue. Bonne journée. Je peux vous le dire, à mon avis, la Manu, il est au chaud, sous la couette. Petite semaine de vacances pour Manu dans le 6-9 et sa dream team de Ouin-Ouin, Isabelle, Paulette, Glandu, Nico du Web. Du coup, jusqu'à 9h30, on se fait plaisir avec le meilleur de l'émission. Et du très bon lac arrive avec notamment Georges, l'intelligence artificielle la plus gênante de France. On va écouter Vita et Slimane. Et puis de l'argent, maintenant, comme chaque matin à 7h05, avec Manu qui double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Energy.fr, manudansle69.com ou l'application manudansle69. C'est gratuit, ça prend quelques secondes et c'est ce qu'a fait Charlotte. Elle habite Limoges, elle a 26 ans et son salaire c'est 1 480 € chaque mois. Attention Charlotte, nous t'appelons maintenant pour te doubler ton salaire. Limoges, lève-toi Limoges. C'est ton jour. Allô? Allô Charlotte? Oui. Charlotte de Limoges? C'est ça. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Oh la classe! Oh, ouais, ouais. Oh Charlotte! Oh Charlotte! C'est fort! Alors, je vais te dire un truc, ça fait 8 ans. 8 ans, c'est la 8e saison sur Énergie. Ouais. On vous double votre salaire deux fois par jour. Ouais. Jamais on avait chanté comme ça. J'adore. Tu veux que je la refasse? Alors, du coup, si tu veux. Mais, ah, si, attends, mais. Oh, la classe. Ah, c'est fort. Oh, mon Dieu. 1 480 € x 2, ça va faire 2 960 € pour toi, Charlotte. Merci, Manu. Merci, l'équipe. Merci beaucoup. Oh, vous êtes géniaux. Oh, j'adore. Tu es responsable d'un magasin d'équipement de moto. Oui, c'est ça. Yeah. Ah ouais. Excuse-moi, on est entre bikers là. Ouais, c'est ça. Pardon, excuse-moi, c'est l'émotion. Je t'en prie. Et pourquoi toutes les fringues de moto, elles sont noires? Je comprends pas pourquoi il n'y a pas des couleurs. Il n'y a pas que des fringues noires de moto. Ouais. Ah, moi je vois toujours des gens en noir. Merci et en cuir. Manu. Je t'en prie, Charlotte. Hey, big up, non, biker. Non, il n'y a pas que du noir. Mais oui, souvent c'est le noir parce que on vend plutôt du noir et les motards préfèrent plutôt le noir, histoire d'être agressif. Non, il y a plein de couleurs, il y a du blanc, il y a du rouge, il y a du jaune fluo, il y a du bleu, il y a plein de couleurs sinon. C'est vrai que c'est classe le noir, quoi. T'es tout de suite plus classe quand t'es en noir et une moto, c'est le cuir, c'est le cuir noir. T'es un biker, tu bouffes le bitume, quoi. Ouais. Histoire de faire plaisir à Manu, tu peux nous dire quel est le dernier accessoire génial qui vient de sortir? Le dernier accessoire génial, c'est le casque qui est prééquipé en fait avec un micro et des petits écouteurs à l'intérieur et dans lequel tu clipses juste un système, un petit boîtier et en fait ça te permet de communiquer aussi bien avec Charlotte, on va rien t'acheter. Ah ouais, wow. T'as nouveau son truc. Et en plus, si vous donnez le nom de code Manu, vous avez 10% de réduction. Charlotte, on t'embrasse fort. Bravo moi à toi. Je vous embrasse. Merci pour tout. Continuez comme ça. Vous êtes géniaux. Continuez comme ça. Merci pour tout. Manu dans le 6-9. Énergie, coco et go. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots de tes yeux. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux, je te le donne, je te le donne, je te le donne, donne, donne, je te le donne, donne, donne, je te le donne, donne, donne, je te le donne, donne, donne, je te le donne, donne, donne. Il est 7h09 sur Énergie, bon réveil, je m'appelle Anto, c'est le best-of de Manu dans le 6-9 qui continue avec pour la suite Georges, l'intelligence artificielle la plus gênante de France, qui vous appelle à tout moment, mais qui évidemment ne vous veut que du bien. Il va être question de gendarmerie nationale. Avant ça, il y aura Calvin Harris et puis la suite de ce best-of. Manu dans le 6-9. Comment puis-je oublier Manu et ses ouin-ouin. Tous les matins sur Énergie. On vous prend au téléphone au 0870 42 48. On va faire un truc très simple. Complétez cette phrase. C'est moi la personne qui. 0-870-42-48. Je vous donne un exemple. Okay. Oui. C'est moi la personne qui, lorsque je perds un jeu de foot à la console contre un enfant, ouais, arrache le fil de la console. D'accord. C'est bien. T'es horrible. Voilà. Allez, on y va. C'est moi la personne qui. 0-870-42-48. Vous pouvez y aller. Nico. C'est moi la personne qui soupire un peu quand quelqu'un est lent à la caisse. Voilà. Oh, c'est pas bien. Ah. Ouais, mais attends, faut pas être trop lent non plus. Hein. Bah, faut pas être trop lent, t'y es à temps. Non, ouais, non, il y a des gens qui discutent et tout. Nous, on est derrière, on a notre vie, et on avance un peu. Moi, je comprends pas les gens qui font ça, ça ne nous fera pas aller plus vite. Oh, mais ça, c'est pire, cette vie. Alors, c'est quoi, Isabelle? Ouais. Vous deux, vous êtes pas bien. Mais ah ouais, oui. Parce que ça aussi, ça énerve. Cette parce phrase-là, que là quand quelqu'un klaxonne et que fait. Et t'as qu'à passer au-dessus, hein? Mais oui, j'ai passé au-dessus. Mais, oh là, vous deux à la caisse, mais c'est un drame. Ah, surtout pas. Ah non, ne jamais aller faire les courses ensemble. C'est moi la personne qui, Paulette. Moi, c'est moi la personne qui envoie je suis sur la route en SMS à quelqu'un qui m'attend, alors que je suis encore chez moi à chercher mes clés ou à faire autre chose finalement, me maquiller. Ouais. Ah, oui, oui, oh mais ça, c'est l'histoire de ta vie. Hein, oui, c'est vrai. Je pense que Paulette, elle est tellement en retard que. En fait, même pour son mariage, il faudra que son mari lui mente sur l'heure. C'est pour qu'elle arrive à l'heure. On a Tristan avec nous au téléphone. Bonjour Tristan. Bonjour Manu, bonjour les ouinouins. Salut. Complète cette phrase, c'est moi la personne qui. Mange tous les bonbons des enfants aux anniversaires. J'adore ça, pas de pitié. Ok. C'est-à-dire qu'il y a un anniversaire avec des enfants, tu vas leur voler leurs bonbons. Ouais. C'est ça. D'accord. En même temps, tu dis que c'est mauvais pour eux, quoi. Du coup, tu les manges. C'est ça, tu vois. Après, ouais, mal au ventre et tout. Voilà, bien sûr. Excuse. Hyper crédible. Il n'y a pas de problème, le goulu. Je vous souhaite une belle journée. Merci, c'est vous moi, aussi. C'est moi la personne qui. Isabelle. C'est moi la personne qui dit bien cuite quand je vais chercher une baguette à la boulange. À la boulange. C'est aussi toi la personne qui dit je vais à la boulange. C'est ça. C'est toi la personne qui dit je vais à la boulange après la pistache. Ça marche. Cécile, bienvenue sur Énergie. Coucou Manu, coucou les mouins. Complète cette phrase, c'est moi la personne qui. C'est moi la personne qui check les pièces de la machine à café pour savoir si personne n'a oublié sa monnaie.

promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Il est nommé pour l'Energy Music Awards et bah forcément on l'a mis dans la compile officielle de la cérémonie que je vous offre ce matin dans le best-of de Manu dans le 6-9. Petite compile Energy Music Awards 2018. Allez, pour vous, la directe au petit-déj, vous envoyez Energy Compile par SMS avec votre prénom et votre numéro de téléphone au 611-12. Là, pour la suite, on va écouter Que Black et juste avant à 7h19 dans ce best-of, voici Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France qui veille à la société. Ouais. Oui, Georges veille pour que tout se passe bien. Georges est là pour dénicher les voleurs. Oui. Oh là. Écoutez bien l'appel de Georges aujourd'hui, je prends une voix comme ça. Allô ? Bonjour. Bonjour, oui. Ceci est un message automatique de la Gendarmerie nationale. Pardon ? Nous avons relevé plusieurs infractions vous concernant durant ces derniers jours. Ah bon ? Des infractions ? Lundi à 16h15, au supermarché, vous êtes passé à la caisse moins de 10 articles, avec 11 articles. Alors là, non. Hein. C'est très grave. Ah non, non, non, je ne suis pas passé avec plusieurs articles, hein, ça m'étonnerait. Confirmez-vous cette infraction ? Ah non, non, non, ah non, non, non, là, non. Infraction confirmée. Ah non, non, là, je ne comprends pas ce que vous me dites, là. Hier à 14h27, vous avez écrit avec un stylo qui n'était pas à vous. Un stylo ? Oui. Attendez là, oui. C'est très très très grave. Ah non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Alors là, j'ai ma conscience tranquille. Hein. Vous allez subir une sanction pénale pour emprunt de stylo. D'accord. Merci de vous rendre immédiatement dans la prison la plus proche de vous. Ah oui, oui, oui, parce que moi, non, non, alors là, non, non. Il a de gros arguments. L'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9. Qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle me dit je t'aime, mais je suis sonné. Complètement sonné. Elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle pense au mariage, mais je suis sonné. Elle voudrait empoisonné. Ah, entouré de traîtres, on est. Faut savoir sur qui tu pointes ton pistolet. Pris dans un engrenage, tout va tout vite pour moi, oui, Angela. N'en fais pas, genre. Angela. Plus in love, qu'est-ce qu'ils attendent? J'pense qu'ils veulent m'atteindre. Rampe comme un serpent, je suis sûr que c'est un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais j'suis sonné. Elle me dit je t'aime mais je suis sonné. Complètement sonné. Elle voudrait qu'on le fasse mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle pense au mariage mais je suis sonné. Mon cœur est sous-zélé. Donc ma relation est sur la sellette. N'est-ce pas? Elle nous porte l'œil. Pourquoi tes copines veulent s'en mêler? Je veux pas que tu penses tout ça sur moi. Tu m'aimes ou pas? Oui, mais parfois je doute de toi. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? Je pense qu'ils veulent m'atteindre. Rampe comme un serpent, je suis sûr que c'est un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle me dit je t'aime, mais je suis sonné. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Mariage, mais je suis sonné. Efficace qu'un double, voire même qu'un triple espresso bien bien serré, jusqu'à 9h30 pour bien démarrer ce mardi. C'est le meilleur de Manu dans le 6-9 qui continue. On va faire un petit point vie amoureuse. Ah, c'est important là pendant les vacances, que ce soit pour Manu et pour ses ouin-ouin. Je pense notamment à Glandu et Paulette. Ça arrive dans quelques minutes. Georges Ezra aussi à s'écouter. Et puis là, à 7h24, voici la suite de ce best-of. Manu dans le 6-9. Heureusement, il y a Manu. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Nous parlons de journée qu'on va le démarrer. Oui. Ouais. Il y a quelques jours, je ne sais plus de quoi on parlait, et je vous avais raconté qu'il m'était arrivé une fois où je m'étais réveillé en retard et c'était un drame parce que je devais aller à l'enterrement. Ouais, c'est chaud ça. Et c'est compliqué. Et je pense que c'est ma journée qui a le plus mal démarré de ma vie. D'où ma question, parce que je ne veux pas être le seul. Quelle a été la journée de votre vie qui a le plus mal démarré? 0-870-42-48, vous pouvez nous appeler. Qui veut démarrer? Qui a la pire journée? Ouais. Allez, Glandu, Nico, pardon. Moi, c'était le matin de mon mariage. Ça a très très mal démarré, moi. La pire journée, celle de ton mariage? Ah, franchement, ouais, je te jure. Non, le démarrage de journée, ça va, c'est la fin de journée. Non, parce que là, c'était fait. Non, ça a été. Non, c'est le début quand, au réveil, en fait, ma femme m'a dit c'est bon, t'as géré pour les 14 nappes blanches, pour les tables. Alors qu'en fait, c'était à elle de gérer les nappes des tables. Et elle me demande ça quand même le matin du mariage. Normalement, c'est un truc que tu gères quand même en amont, un petit peu. Ouais. Et moi, je m'en étais pas occupé, je m'étais dit, ok, c'est cool. Et en fait, du coup, le matin de mon mariage, j'ai dû, sur toute la matinée, essayer d'appeler des mecs pour avoir des nappes blanches. Sinon, on se retrouvait avec des tables en bois, quoi. Début de journée foireux. Ah, compliqué, ouais. Je suis d'accord. Et ce qui est incroyable, c'est que tu sois marié avec elle. Ouais. Ah, j'ai eu un doute à ce moment-là. Mais moi, j'ai envie de savoir si t'as réussi ou pas quand même. Au bout du compte, j'ai réussi. Ouais. Bah, sinon, ça aurait été ma journée, quoi. T'achètes des draps au supermarché, ça fait l'affaire. Ouais, bien sûr, c'est la plus longue. Oui, des draps housses, ouais, c'est bien. Non, puis tu mets pas les chaises, tu mets des coussins. Ouais. C'est bien. Ouais. Céline, bonjour. Salut Manu, salut les ouin-ouins. On y va, on écoute. Alors en fait, moi, c'est le matin du mariage de ma meilleure amie. Je me suis cassé la figure dans les escaliers et je me suis fracturé le gros orteil alors que j'étais témoin. Oh. J'ai dû aller au mariage en tongs. Mais non. Ah merde. Ouais. Excuse-moi, mais entre ton histoire et celle de Nico, il y a un moment, il faut se pencher sur le problème du mariage. C'est vrai. J'ai l'impression, oui. Ah, on est d'accord. Ouais. Merci de nous avoir appelé, Céline. Belle journée à toi. Glandu, la journée qui a le plus mal démarré dans ta vie? Moi, j'étais étudiant et je me suis réveillé en fait un matin dans un bus qui était au dépôt. Puisque en fait, je m'étais endormi la veille en retour de soirée dans le bus. Retour de soirée arrosé, donc hein, on est... Pas du tout. un petit peu arrosé. Et du coup, je me réveille, j'étais tout seul dans le bus. J'arrive à sortir du bus. Je demande au conducteur, il me dit non, moi je pars pas tout de suite, nanan. J'ai mis 2 heures à réussir à rentrer chez moi. Et le pire, c'est que j'avais un partiel ce matin-là. Un partiel, ouais. Mm. Et un examen, donc t'as un examen en fac. Exactement, j'avais un examen ce matin. Tu l'as eu? Je suis arrivé une heure en retard et du coup j'ai été recalé. J'ai pas pu passer l'épreuve et j'ai dû la passer en rattrapage. Mais à quel moment tu te dis, je vais aller me pochetronner la tête dans une soirée alors que le lendemain j'ai un examen? Non, mais c'est de fil en aiguille ça. Tu te fais entraîner et tout, t'es pas prévu. Tu sais, t'es étudiant, t'es un peu fou. Gland du l'homme qui a le moins de volonté au monde. Quelle est la journée qui a le plus mal démarré dans votre vie? Allez, Paulette. J'ai un ex qui voulait me faire une surprise et qui était passé en fait par le Vélux de ma chambre. Pour me rejoindre un matin, quoi. Oh, un petit matin. C'est cool. Genre en mode. Genre romantique, ouais, le gars. C'est ça. Ouais. Sauf qu'en fait, il m'a juste fait peur. Parce qu'il il passait pas complètement par le Vélux. Ah. Et donc, il était coincé. Et moi, ma première réaction au réveil aura été de le taper très fort avec mon parapluie. Ah ouais. Et le pauvre. C'est-à-dire qu'il a essayé de passer par le Vélux, ça fait du bruit. Il était coincé. Toi, t'es arrivé, t'as cru que c'était un voleur, tu l'as tapé avec un parapluie. Exactement. Oh, d'accord. Oh, le pauvre. Ouais. Comment tu restes bloqué dans un Vélux? Bah, quand tu passes pas, tu passes pas. Hein. Ah ouais. Bah, ouais. Un petit Vélux, quoi, tu vois. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux. Du coup, c'est resté un ex. Ah oui, oui, c'est resté un ex. Enfin, c'est devenu un ex. Enfin, c'est devenu, oui. Oui, parce que, non, à l'époque, ils étaient ensemble, hein, ouais. Isabelle. Ouais, non. Je frappe pas mes ex comme ça. Non, mais. C'était pour se rattraper, moi. Oui, bien sûr, bah, quand t'as un ex, en général, c'est vrai que quand tu te fais larguer par une nana, la première idée que t'as, c'est de passer par le Vélux pour aller la voir. Non, ils étaient ensemble et ensuite, c'est devenu un ex. Ok, ouais, ouais, ok, ok. Manu dans le 6-9. Oh, Manu. Dans le 6-9 Manu. Sur Énergie. Et dans la suite du best-of, vu que c'est les vacances et qu'à un moment c'est important à faire un petit point vie amoureuse, que ce soit pour Manu, mais aussi et surtout pour Glandu et Paulette, on sera aussi le meilleur jeu radio du monde. Le jeu des 5 mots arrive comme chaque matin à 7h40. George Ezra, je l'avais promis, et puis les infos sur Énergie, ça arrive dans moins de 2 minutes. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits au travail. Énergie, Hit Music Only. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron? Que me vaut ton appel? Eh ben en ce moment chez Lidl ça vaut le coup, hein. Les deux escalopes de veau à griller 3 étoiles sont à 3,49€ les 230 grammes au lieu de 4,58€. 3,49€ les escalopes de veau, moins 23%. Oh la vache! Ah oui mais non, c'est du veau français, et à un prix qui vaut vraiment un petit détour. Hein. Eh ben quand tu me verras, fais plutôt un grand détour, oui. D'accord. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 15,17€ le kilo, origine France. Offre valable jusqu'au mardi 6 novembre. Dis donc, sympa ta nouvelle voiture. Oh, attends, c'est rien à côté de ma nouvelle assurance. Ah tiens, justement, c'est elle. Bonjour, je suis votre appli Direct Assurance. Je vous confirme que votre nouvelle voiture est désormais assurée chez nous. Et vous venez d'économiser 245€ pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Eh, c'est ton appli banque qui va être contente. En souscrivant chez Direct Assurance, 9 nouveaux clients sur 10 déclarent bénéficier du meilleur rapport qualité-prix. Alors rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Voir détails sur le site. Bientôt Halloween! Tous à vos déguisements! Jusqu'au 31 octobre, pour un déguisement ou accessoire Halloween acheté, le deuxième est à moins 50%! Oui, oui, moins 50% sur la deuxième panoplie ou accessoire Halloween! La Grande Récré! Remise sur le moins cher des deux, offre non cumulable. Liste des magasins participants sur lagrande-récré.fr. Noroto. Oh, c'est bon d'avoir du bon son, non? Ouais, et au niveau du prix, on est bon comment? Eh ben là, non, hein, on n'est pas bon. Hein. On est plus que bon avec Noroto. Noroto a déjà baissé le prix de 5000 produits, comme l'autoradio Pioneer Bluetooth, maintenant à seulement 89,95€. Parce que c'est bon de ne pas mettre tout son argent dans sa voiture. Alors, c'est qui le meilleur? C'est toi. Noroto. Valable sur modèle MWH S41BT. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h-9h30 sur Énergie. Oui, et c'est le best-of qui continue, le meilleur de Manu dans le 6-9. On va écouter George Ezra et puis les infos sur Énergie. Il est 7h30. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Anto, bonjour à tous. La météo, c'est compliqué ce matin encore dans un large quart nord-est avec des chutes de neige annoncées pour quelques heures. Ça ira mieux en tout cas dans l'après-midi. Retour de timides éclaircies pour les autres régions. Ce mardi s'annonce plutôt agréable et lumineux. Retour au calme et fin de l'alerte inondation dans le Var notamment. Et les températures restent froides. Au max, on aura 6 degrés à Montbéliard, 11 à Laval, 11 aussi à Albi aujourd'hui. Impossible de passer à côté ce matin. La neige s'est invitée en France beaucoup plus tôt que prévu. Un premier épisode hivernal qui provoque de gros soucis, notamment à Saint-Étienne où il est tombé 20 cm en quelques heures. 800 personnes au moins sont bloquées en ce moment sur l'autoroute. Plus globalement, c'est donc un large quart nord-est qui est concerné ce matin. Une quinzaine de départements placés en vigilance. Vigilance des Ardennes à la Corrèze en passant par la Côte d'Or et le Cher. Un constat alarmant, selon le dernier rapport du WWF, le nombre d'animaux vertébrés sur Terre a baissé de plus de 60% en près de 50 ans. Avec une accélération ces derniers temps, des espèces sont plus que jamais menacées comme les éléphants ou encore les baleines. Et évidemment, c'est l'homme qui est à l'origine de cette catastrophe avec la chasse, la pêche intensive, mais aussi la déforestation. Le sport, le foot, la Coupe de la Ligue, les 16e de finale débutent ce soir. On a deux matchs au programme, Montpellier-Nantes et Strasbourg-Lille. Rendez-vous demain pour les autres rencontres. Marseille, Lyon et Paris, en revanche, les autres clubs engagés en Coupe d'Europe sont exemptés de ce tour. Ils entreront à la compétition à partir des 8e de finale. C'est bien plus qu'une fête, alors que les accros frissons se préparent à fêter Halloween. Le film Halloween, justement, lui, continue de semer la terreur au ciné cette semaine avec énergie. L'occasion de retrouver donc ce film culte des années 80 et son fameux tueur en série Mike Myers. Un comeback sanglant qui décidément inspire de plus en plus de monde à Hollywood. Morgan Barthélémy. Oui, et c'est maintenant Vendredi 13 qui se prépare à ressusciter son meurtrier à la machette. Le créateur du film original sorti en 1980 nous proposera un retour aux sources pour la franchise qui a connu pas moins de 12 chapitres. Le basketteur LeBron James, un grand fan, pourrait même faire partie des producteurs. Après son adaptation en série assez critiquée, la saga des années 90, Scream, repartira à zéro dans une troisième saison sur les origines du serial killer au masque de fantôme. D'ici la fin de l'année, l'intrigue nous emmènera dans les quartiers noirs d'Atlanta avec la rappeuse Mary J. Blige en invitée. Si vous avez la phobie des poupées, il y est sûrement pour quelque chose. Chucky, lui aussi, va souffrir un coup de jeune dans un reboot dont le tournage vient de démarrer au Canada. Le projet est piloté par l'équipe du Clown Sa, qui lui fera son retour en septembre prochain pour un deuxième volet avec James McAvoy et Jessica Chastain au casting. Voilà, il n'y a pas que les tueurs qui reprennent du service. La sorcière Sabrina s'offre une toute nouvelle série disponible depuis vendredi sur Netflix. 7h33, c'est la fin de ce flash. On est le mardi 30 octobre. Bon réveil, bonne matinée, bonne journée sur Énergie avec Manu dans le 6-9 en mode best-of cette semaine. En mode best-of là pendant les vacances, petite semaine de repos bien méritée pour Manu et toute l'équipe, petite semaine de grasse mat pour venir en pleine forme dès lundi jusqu'à 9h30. En tout cas, on se refait le meilleur de l'émission, le meilleur de Manu dans le 6-9 pour démarrer comme il se doit ce 30 octobre, ce mardi matin. Soyez les bienvenus, je m'appelle Anto, bon réveil avec dans quelques minutes le meilleur jeu radio du monde, le jeu des 5 mots comme chaque matin à 7h40 et c'est Glandu qui s'y colle aujourd'hui. Avant ça, George Ezra et puis la suite de ce best-of. Manu dans le 6-9. Mais c'est qui dans le 6-9, c'est Manu sur Énergie. Faisons un point sur notre vie amoureuse. Oh non. Je pense que c'est bien d'instaurer ça une fois par mois. Ouais. On fait un point sur notre vie amoureuse, notre vie sexuelle, on voit comment ça se passe dans nos vies. Ok. Moi, cette musique me convient très bien. Ah ouais. Oh, pauvre Manu. Écoutez, honnêtement, je suis seul depuis cet été. Hein. Ouais. Je dois gérer tellement de trucs que je gérais pas avant. Ouais. Ah ouais. J'ai une libido vraiment qui est nulle. Et le seul truc sur lequel je me concentre, c'est de savoir si je dois acheter ce meuble et ce qui mesure le bon truc pour le mettre dans l'entrée. D'accord. Voilà où j'en suis. Mais c'est normal, Manu, tu sors d'une relation très longue, il faut du temps pour se remettre. Ah, ça, c'est pire de dire ça. Enfin, pas trop de temps, mais. Ouais, mais tu peux jouer aux jeux vidéo tranquille. Ah, ça a des avantages. Ça. Tu vois, faut voir les bons côtés dans ces cas-là. Ça, j'avoue que j'ai regoûté à la joie du jeu vidéo. Voilà. Ah, j'avoue. Ça, c'est pas mal. Ouais. Enfin, c'est triste quand on te demande comment va ta vie amoureuse et que tu réponds je joue beaucoup aux jeux vidéo. Oui, c'est vrai. Comment est votre vie amoureuse en ce moment? Nico, en couple, marié. Ouais. Moi, c'est très très cool, hein. Les sentiments sont là, mais il y a un mec quand même. Hein. Ah. C'est qu'on se voit trop peu là, en ce moment pour faire l'amour. Oh. Elle finit très tard le boulot. Nous, on se lève tôt, donc forcément, je me couche tôt. Et c'est vrai qu'on se croise, c'est très bien. On dort ensemble. Je sais qu'on dort ensemble, mais il se passe pas ce qui devrait se passer. Mais je sais que quand j'ouvre les yeux le matin, elle est dans le lit. Mais alors, à quelle heure elle est arrivée? Aucune idée. C'est un peu ça. Je sais. Et comme elle est dodo, je sais même pas si c'est elle. Il faudrait que je vérifie. Ouais. Comment est votre vie amoureuse en ce moment, Glandu? Eh ben moi, un peu comme toi, la rencontre est pas facile avec nos horaires. Mais donc j'attends un signe du destin, moi. C'est comme dans les films où je vais percuter une fille comme ça. Et je dis, oh, pardon. Ah ouais. Et paf. Ok, donc là, t'es en mode, j'attends une comédie romantique. Ouais, je croise les doigts. Oh. Mais comme tu l'as dit, c'est dans les films. Ouais, on sait jamais. Je l'espère pour toi. Merci. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui m'ait raconté. Comment vous êtes connus? Bah, on s'est percuté dans la rue, elle avait son sac de course, je lui ai renversé, les pommes ont roulé ouais, jusqu'à mes pieds, je lui ai ramassé la pomme, elle m'a regardé, j'ai regardé, et on vit une histoire incroyable d'amour, on va bientôt acheter deux chiens. C'est ce qui va m'arriver. Je l'espère pour toi, non. Jennifer, bonjour. Salut Manu, salut Wouin. Salut. Coucou. Bienvenue sur Energy. Comment est ta vie amoureuse en ce moment? Eh ben, ma vie amoureuse est compliquée. On a parlé de faire un break hier soir, mais on s'accroche. Bah, si vous avez parlé de faire un break hier soir, vous vous accrochez moyen quand même. Ouais. Bah, on essaye. Il y a des hauts et des bas. Oui, ouais. Mais là, vous êtes plutôt au bas si vous avez fait un break hier soir. En ce moment, c'est plus dans le bas, mais on y croit. Là, vous pouvez que remonter à la fois, c'est le bon côté des choses, quoi. Oui, c'est le fameux quand t'es au fond de la piscine, un coup de talon et tu remontes. Voilà, ou un coup de talon et tu te pètes la jambe. Non. Mais j'espère que tu remonteras à la surface, Jennifer. Merci de nous avoir appelés. Comment est votre vie amoureuse en ce moment, Isabelle? Alors moi, c'est un peu l'inverse de Nico, c'est-à-dire qu'on se voit tout le temps avec mon chéri parce qu'il travaille à la maison. Et depuis que je me lève à 4h15 tous les matins... En fait, je fais des siestes, tu vois, de 20 minutes l'après-midi. Mmh. Et mon mec l'a très très bien compris ça. C'est-à-dire qu'il me rejoint en fait à chaque sieste. Oh, oh, en fait, mais elle cache son jeu. La coquine. Chérie, je vais faire une sieste. Quand tu sais qu'elle en fait tous les jours des siestes, c'est fou. Non mais merci Manu, quoi. Moi, je suis ravie de faire cette matinale avec vous. Hein. Bah écoute, c'est quoi? Ça me fait plaisir. Maintenant, c'est une autre image de toi quand je te regarde. C'est quoi? Je t'imagine en sieste. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Dans la famille des il y a Manu. Énergie. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. See, diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. See what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath. I'm feeling like a song on a song on a song on a song. Il est 7h41 sur Énergie, un bon réveil avec le best-of de Manu dans le 6-9 qui continue. Et avec Manu et toute l'équipe, on va parler de ces petits trucs que l'on fait et qui font que quelque part, bah oui, nous sauvons le monde. Avec pas grand-chose, on écoutera aussi Aya Nakamura qui sera avec nous à Cannes pour les Energy Music Awards. Et juste avant, comme chaque matin à 7h40, voici le jeu des 5 mots. Manu. Manu et les wa. 6h-9h30, tous les matins sur Énergie. Nous avons un beau cadeau pour vous et ce cadeau, c'est vous qui allez le choisir. Sophie, bonjour. Bonjour Manu, bonjour les Wamwa. Salut. Sophie, quelle est la console de jeu de ton choix? La PS4 Pro. Elle est pour toi, peut-être, dans une minute, Sophie. Nous allons jouer au meilleur jeu radio du monde. Et pour te faire gagner cette console, celui qui, sauf si je me trompe, a perdu les deux dernières fois. Mais arrête, Mais j'y peux rien. Mais non, mais tu me donnes pas confiance. Ah, mais j'ai confiance. La dernière, je gagnais tout le temps. Non. Et là, tu non. J'ai confiance en toi. Sinon, je dirais pas que tu sors. Ouais. Maintenant, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ça va gagner. Bah, ça va gagner. Ouais, bien sûr, ça va gagner. Je crois en toi. Allez, je crois en moi. Enfin, attention, aujourd'hui, petite difficulté, tous les mots sont en allemand. Glandu sort du studio. Attention. Allez, Glandu, je crois en toi. Il est dehors, il entend plus ce qui se passe, Sophie. Attention, je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient à l'esprit. Ensuite, je fais revenir Glandu. Je fais exactement pareil avec lui. Et dès que vous avez un mot en commun, c'est gagné. Ok. Sophie, es-tu prête? Je suis prête. C'est parti, on joue au jeu des 5 mots. Scène. Théâtre. Ralentir. Freiner. Gardien. Chien. Nuage. Soleil. Terre. Oh. Franchement, ouais. Franchement, je le sens bien. Moi aussi, moi aussi. Ça peut le faire. Ah oui, non. Ouais. Attention, on fait revenir Glandu. Allez Glandu. Il est en forme, il est bien. Ouais, ça gagne, ça gagne. Il est de retour. Je me suis dit dans le couloir, je me suis dit aujourd'hui ça gagne. Ouais. Mais oui, moi je crois en toi. À chaque fois que j'écoute, on a les mêmes mots. Ok, ça. Ok. C'est parti. On joue au jeu des 5 mots pour la PS4 Pro de Sophie. Glandu ne nous déçoit pas. Allez. C'est parti. Scène. Ménage. Scène de ménage. Raymond et Huguette. Théâtre. C'est pas grave. C'est le premier, c'est pas grave. Évidemment, il reste 4 mots. Ouais. Bah oh là là, l'autre il dit oh là là là-bas. Allez, on se concentre. Pas de panique. Ouais. Disons que t'as grillé 20% de chance de gagner. Manu. Ouais, mais c'est ça les encouragements. Ça va aller. Il reste 80%. Vas-y. Ralentir. Freiner. Ouais. Mais où la malédiction? Elle est où la malédiction? Sophie, c'est gagné. Je suis trop content là. Il restait 3 mots. Vas-y. Gardien. Immeuble. Elle avait dit chien. Ouais, gardien de chien, ok. Non, pas gardien de chien, gardien avec un chien. Ah. Voilà, okay. Il a lâché la rampe. Ensuite, nuage. Ciel. Elle avait dit soleil. Ah. Oh là là. Ouais. Et enfin, terre. Brûlée. Sophie. Sophie avait dit eau. Terre brûlée, ouais. Du Connemara. Ouais. Michel Sardou. Terre brûlée. Ok, il s'est déconcentré, c'est rien. Ouais, ouais. L'important, c'est que c'est gagné un mot en commun. Il suffisait d'un mot et c'est fait, Sophie. La PS4 Pro, elle arrive très vite pour cool. Toi. Bravo. C'est super cool, merci à tous. On t'embrasse fort, Sophie. Belle journée à toi. Merci, je vous écoutais, matin, continuez. Manu dans le 6-9. Dans le 6-9, sur Énergie. Manu et c'est ouin. Énergie. Papi Mickey Bazar, j'entends des bails atroces sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby.

Les autres rencontres auront lieu demain sans les gros du championnat, puisque les clubs engagés en Coupe d'Europe sont exemptés pour ce tour. On retrouvera donc Paris, Lyon et Marseille en 8e. Un petit peu de tennis aussi, le Masters de Paris à Bercy en ce moment. Plusieurs Français sur les cours aujourd'hui, notamment le duel 100% tricolore entre Gilles Simon et Lucas Pouille. Benoît Paire, Jérémy Chardy ou encore Pierre Hugerbert sont programmés également. Un joli cadeau de Noël. Sony va ressortir sa première PlayStation en version classique mini. C'est la tendance en ce moment pour tous les passionnés. La marque vient de dévoiler la liste des 20 jeux qui seront dispo en même temps. Il y aura des blockbusters comme Rayman, Ridge Racer, Tekken 3 ou encore Cool Borders 2, arrivé prévu le 3 décembre en France. Décidément, ça n'arrête plus. De nouveaux artistes sont confirmés ce matin pour les Energy Music Awards. Maître Gims, Vianney, Jennifer, Kenji, Amir et Patrick Bruel seront présents à Cannes pour la 20e édition de la cérémonie. La liste s'allonge donc encore avec Muse, Shawn Mendes ou encore David Guetta officialisé hier. Rendez-vous le 10 novembre depuis le Palais des Festivals. Les votes, c'est en ce moment, comme d'habitude, sur energie.fr. Il est 8h02, fin de ce flash, mardi 30 octobre. Bon réveil avec Manu dans 6-9 sur Energie. Très bonne journée. Aujourd'hui, le 30 octobre, bon réveil, je m'appelle Anto et jusqu'à 9h30, c'est le best-of, le meilleur de Manu dans le 6-9 et de ses ouin-ouin. On se fait plaisir là pendant les vacances avec les concons du jour qui arrivent notamment, comme chaque matin à 8h10 avec une fois de plus une cuvée exceptionnelle. On écoutera Kenji qui sera avec nous samedi prochain à Cannes pour les Energy Music Awards, mais juste avant, de l'argent, de l'oseille, comme tous les jours à 8h05, Manu double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Davina de la Seine-sur-Mer, elle l'a 34 ans et elle touche 1869 euros chaque mois. Davina, nous t'appelons maintenant pour te doubler ton salaire. Attention. Décroche ce téléphone et le bonheur sera là pour toi. Il dansera devant toi. Allô ? Allô ? Davina ? Oui ? C'est Davina de la Seine-sur-Mer ? Oui, c'est moi. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? Manu, c'est l'énergie ! Ouais ! Eh oui, Davina, ça y est, c'est fait. Oh, trop bon, c'est trop bien, je suis trop contente, j'ai trop de la balle. Trop de la balle, bienvenue en 2001. Ah ouais. Davina, tu touches 1869 euros chaque mois. Je vais le doubler, ça va faire 3738 euros pour toi. Oh purée, il y en a un qui va être gâté à Noël, trop bon. C'est beau. Je suis trop content, c'est génial, c'est super. Ma journée elle commence super bien et quand j'entends ta voix, écoute, mon cœur s'emballe. Oh. Ah ouais. Classe. J'en connais une qui veut être gâtée à Noël. Davina, 3738 euros pour toi. Ça va arriver très vite. Tu es instructrice militaire. C'est ça, et d'ailleurs je suis avec mes jeunes là que je suis en train d'entraîner pour chanter. Ils sont hallucinés avec moi là. Mais non. Attends, tu veux que là t'es en... Putain, ils se lèvent tôt les militaires. Hein. Ouais, ah ouais. C'est ouf. Mais tu m'étonnes, c'est pour ça qu'ils veulent aller à la guerre. Parce qu'ils se sont dit comme ça on va se lever plus tard. Ouais. C'est ça. Attends, t'es déjà en cours là, Davina ? Ah oui, déjà, mais, oui. Mais alors, attends, c'est quoi ? Tu formes nos militaires, quoi ? Tout à fait, je les encadre, je gère les jeunes qui rentrent dans la marine. Mais tu leur apprends à faire quoi exactement ? C'est quoi ton truc ? Je leur apprends à marcher au pas, à chanter, je les encadre la discipline, la rigueur. Attends, et là, voilà. Là, t'es en cours avec eux ? Oui, oui, je suis dehors, on apprend des chants militaires. Ah ok, alors est-ce qu'on peut faire un truc ? Si tu peux mettre le haut-parleur et que je leur parle. Oui, je mets le haut-parleur. Ok. Vous m'entendez les militaires ? Ok, très bien. Adjudant chef Manu à l'appareil. J'aimerais que quand je parle, on me réponde oui chef. Oui chef. Je n'entends pas. Oui chef. Eh bien. Elle est trop contente. Il se fait un kiff. Maintenant, j'aimerais qu'on enlève le oui chef. On répondra simplement oui Manu. Vous m'avez entendu? Oui Manu. C'est génial. Incroyable. Oh, j'adore. Oh, le jeu. Militaire, vous avez envie de chanter? Oui, très bien. Génial. Vous allez chanter une petite chanson pour moi, d'accord? Oui, Manu. Très bien, la France avance, mais c'est pas grâce à nous, d'accord? Oui, Manu. C'est génial. Oh, militaire, faites-vous plaisir, chantez une chanson. Allez. Dans la boule, les sillons. Oh, God. Dans la boule, les sillons, tous les aiguilles nous marchons. Malgré la fatigue et la nuit, malgré la famine et l'ennui, c'est beau. Nous restions et nous attendons que pour nous gronde le canon. Si demain il nous appelait, militaire, nous partions dans le regret. Militaire, c'est bon, merci. Militaire, militaire, c'est bon. Bravo. Militaire, ça vous a plu de chanter? Oui, Manu. On va faire une dernière chanson, d'accord? Oui, Manu. Vous répétez après moi. Manu. Manu. Dans le 6-9. Dans le 6-9. Sur Énergie. Sur Énergie. C'est quand même mieux que de faire la guerre. Génial. Merci beaucoup à vous militaires, vous pouvez rompre pour ce matin, ça me fait plaisir. Repos. J'espère que vous avez kiffé. Hein, parce que... c'est génial. Ils sont très très bien formés, bravo. Ah ouais, bravo. Félicitations Davina, on te double ton salaire, 3738 euros. On t'embrasse fort Davina. Moi aussi je vous embrasse fort, merci, merci, plein de bisous, bisous. Manu dans le 6-9. Debout les wawas, debout les wawas. Sur Énergie. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. De toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans, tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bon bricoleur. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon sur Énergie, bon courage évidemment. Si vous partez bosser ce matin, c'est l'avant-dernière veille de la semaine, vu que jeudi c'est férié, ça c'est bien. Le best-of de Manu dans le 6-9 qui continue. Et on va parler dilemmes, les gros dilemmes du moment. Par exemple, faut-il enchaîner deux raclettes dans la même semaine? Ça c'est la vraie question du moment. On écoutera aussi Kaiser Panda. Et puis là, comme chaque matin, à 8h10, ils sont là. Voici les concons du jour. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu, et les ouah. Voici les concons du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. On démarre à l'aéroport de Roissy, ça s'est passé hier. La douane a fait une saisie record. Mmh. Une femme s'est fait gauler avec 600 cartouches de cigarettes non déclarées. Wow. Wow. Ça fait 116 kilos de tabac, wow, montant 46 400 euros. Comment elle s'est fait gauler? Parce que se balader dans l'aéroport avec elle seule, 8 valises.

suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga, así que vamos a quitarnos toda la gana. Si tú estás bien, habla portugués, conmigo mujer, y si no, pues tú no ven. Esta noche yo voy a hacerme con el balte, de noche me floco como Yandel. Con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate de tres mamacita. Todo el mundo quiere, todas las mami no quieren. Sé que prefiere, mami, tu huevo no miente. La gente me echa, Bogotá va a rumbear y voy a balanzar. Hemos llegado todos ya, pintura y en el oriente. Todos quieren fiesta y baile. La gente me echa, la gente quiere que te rumba, ya la vea, quiero el ritmo sin ley. El papi pura, vamos a romper. Hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta, en Venezuela que lo mueva. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta, en Venezuela que lo mueva. Con las manos para arriba, yeah. Siente el ritmo, mamita, Brasil hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta, en Venezuela que lo muevan. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta, en Venezuela que lo muevan. Que lo ve. 1, 2, 3, go. Que lo ve. La Hindi Mashup. Il est 8h19, alors oui, ça caille encore ce matin, mais jusqu'à 9h30, c'est le meilleur de Manu dans le 6-9 qui continue et on va parler de défis. Alors pas les défis à la con, genre pour gratter 3 bonbons le soir d'Halloween, beaucoup mieux, Manu a trouvé une liste des défis les plus débiles au monde. Et là aussi, il y a du très très lourd, on écoutera aussi Big Flo et Oli. Et puis juste avant sur Énergie, suite du best-of et gros dilemme. Manu dans le 6-9. Énergie, coco et go. On a tous, tout le temps, à tous les moments, tous les jours, des choix à faire. Ouais. Quel est votre choix du moment? Quel est votre dilemme du moment? Vous hésitez entre deux choses. Ouais, ouais. Vous savez pas si vous devez le faire ou si vous devez faire plutôt ça. 0870 42 48, ou sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9. Quel est votre dilemme du moment? Et on essaye de vous aider à choisir. Ouais, ouais. Si vous en avez, on peut y aller. Glandu, ouais. T'en as un? Moi j'en ai un gros en ce moment. Rester ou pas dans l'émission? Ah ouais, c'est exactement comment tu sais. Parce vrai. Que j'en ai parlé avec le directeur. Ah, d'accord. Alors on va se résoudre ce dilemme très vite, tu vas voir. Dis-moi. On t'écoute. Non mais c'est mon pote Bertrand qui me propose de me mettre en coloc. Alors je sais pas si je dois accepter ou si je reste dans un appart tout seul. Aïe. À part nos horaires et tout, c'est un peu compliqué. Moi je pense que la coloc c'est un peu compliqué. Bah, après ça dépend, t'as les mecs par exemple, Vianney il est toujours en coloc avec son ouais, pote. Voilà, ah ouais. C'est ça. Et il est en couple aussi. Donc tu vois, l'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Après t'as été en couple pendant longtemps, est-ce que t'as vraiment envie de revenir en coloc? Est-ce que t'as envie de faire marche arrière? Tout ça, voilà. Tu vois, c'est une vraie discussion que tu dois avoir avec ton psy. Ouais, après je... D'accord, ok. Ah oui. Isabelle? Mais non, mais comment il est ce Bertrand? Ah non, Bertrand, il est adorable. C'est pas un problème, c'est plus qu'on se lève tôt et tout. Moi, je vais l'éveiller, je vais faire du bruit, il va m'engueuler. Ah, ouais. Garde un peu ton indépendance, je pense. Et attends aussi de voir si tu retrouves quelqu'un, quoi. Tu vois? Ouais, et puis tu sais quoi? N'aie pas peur d'être un peu seul. Ah, c'est beau ça. Wow, ouais, ma mère, elle me dit ça souvent. Ouais, ta mère. Oula. Attention. Manu, quoi, Manu. Je connais un peu la maman de Glandu. Elle est. Ça va. T'arrives plus à parler. Non, on enchaîne. Benjamin, bonjour. Salut Manu, salut les Wawin. Quel est ton dilemme du moment, Benjamin? Alors, mon dilemme, c'est soit ce soir je fais une soirée pizza FIFA avec les potes. Mais je dors sur le canapé. Soit je fais une soirée romantique avec ma femme et ça finit par un câlin. Écoute, j'espère que ton canapé est confortable. Oh non. Mais ça, c'est un peu le même style de dilemme, quoi. Nico, FIFA, tu peux le faire n'importe quand. Faut faire le câlin. Ah non, avec à câlin avec ta femme aussi. Ah bah non, parce que je pense que s'il choisit FIFA, le câlin il l'aura pas tout de suite. Hein. Il faut penser au couple à un moment donné. Tu vois, c'est sa femme et tout, un peu d'amour. Ça dépend de la date du dernier câlin, quoi. Mais FIFA quand même est plus fort que tout. Il faut le dire. Oh non. Ouais, si, si. Mais glandu. Si. Là, je suis obligé d'un peu d'abonder dans le sens de glandu. Si. Quand j'étais en coloc, moi, j'ai ma coloc Constance qui avait ramené un mec. Et le temps qu'elle aille à la salle de bain, on avait commencé une partie de FIFA et ça s'est jamais fini. Mais non, si, si. Et du coup, il est pas rentré avec elle. FIFA est plus fort que tout. Benjamin, on t'a donné un bon conseil, je crois. Merci, vous m'avez beaucoup aidé. Je t'en prie. Belle journée à toi, Benjamin. Il y a William sur Twitter qui dit: j'ai invité une fille à aller au cinéma, mais je sais pas quel genre de film aller voir pour qu'elle finisse dans mes bras. Plutôt avec de l'action ou une comédie romantique? Ah. Les deux fonctionnent parce que la comédie romantique ça te donne des idées et le film qui peut te faire un peu peur, tu vois, c'est, on se rapproche ou on se fait chier. Quel est votre dilemme du moment, Isabelle? Mon mec veut qu'on se fasse un petit week-end en amoureux, pas ce week-end-ci mais l'autre, tu vois, tranquille tous les deux. Mais moi en fait ça me fait de la peine de laisser mes enfants. Voilà, je sais pas quoi faire. Oula. Ça fait trop de peine. Alors, mais tu sais que l'enfant, par exemple, ton enfant de 4 ans et demi, tu le laisses pas seul. Mais non, bien sûr. Et puis là, c'est deux grandes sœurs, mais de les laisser tous les trois, ça me fait trop de peine. Vraiment, je sais pas quoi faire. Eux, ils sont ravis. Hein. Ah, ils ont la télé tout le week-end, ils sont ravis. Moi, quand maman, elle partait, j'étais content. Hein. Ah, tu m'étonnes. Donc, évidemment. Vas-y. Mais Isa, sauve ton couple, laisse tes enfants un petit peu. Attends, elle a pas dit qu'en plus, son couple était en danger. C'est pas parce que Glandu, toi et moi, on est sur la touche depuis quelques mois que Isabelle aussi. Non, tout va bien en plus, mais c'est juste que voilà, ça me fend le cœur et du coup j'arrive pas à lui dire oui. Je vois que mon mec ça lui fait de la peine du coup, et puis dès que je regarde mes enfants et que je me dis qu'ils vont être tristes, j'y arrive pas, je suis en plein dilemme. Mais t'as le cul entre les chaises et du coup tu le fais pas plaisir à toi, tu fais pas plaisir à ton mec, tu fais pas plaisir à tes enfants. C'est t'es vraiment une mère indigne. Oh, t'es dur. En te souhaitant une bonne journée. Merci Manu, mais tu t'adore. Sais quoi, tu pars en week-end avec ton mec et le week-end d'après tu fais un truc de dingue avec tes enfants. Ah ouais. Ah, fort, c'est pas mal. Oh, ça, c'est un super papa, ça. Donc, ah, super papa. Super idée. Alors, je conseille, je n'ai pas dit que je faisais. Hein. Bienvenue sur Énergie. Vive les wouah du matin. C'est Manu dans le 6-9. Ouais. Énergie. Big Flo et Oli. Tu connais, non? Petit biscuit. Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir, on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi. Tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez. On dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes blues. Plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes engueulades avec ma mère. À chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires. Puis je m'endors et quand je me réveille, je regrette. Ah, tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que t'y penses. Ne pense plus à rien, rien, rien, rien. Dit, t'es comme les autres en fait. Tu m'apportes que des problèmes, allez sors de ma vie. De toute façon je le pensais pas quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux. On croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre, j'atteins un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant je me remets ce vieux son de Biggie. Celui qui fait It was all a dream. Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder. Pour éviter de dire, les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Toutes les questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses. Ne pense plus à rien, rien, rien, rien. Ça y est.

L'actu ce matin, c'est donc la neige qui a débarqué en force. Une grosse quinzaine de départements sont en vigilance, des Ardennes à la Corrèze en passant par la Côte d'Or et le Cher. On retrouve ces images traditionnelles de l'hiver beaucoup plus tôt que prévu. Des centaines d'automobilistes sont bloqués sur les routes impraticables de Loire et de Haute-Loire. Et il y a aussi des coupures de courant. Plus de 20 cm de neige sont tombés cette nuit à Saint-Étienne, par exemple, 3 à Bourges. Un constat alarmant selon le dernier rapport du WWF, le nombre d'animaux vertébrés sur Terre a baissé de plus de 60% en près de 50 ans avec une accélération ces derniers temps. Des espèces sont plus que jamais menacées comme les éléphants. Et évidemment, c'est l'homme qui est à l'origine de cette catastrophe avec la chasse, la pêche intensive mais aussi la déforestation. Le sport, le foot, la Coupe de la Ligue, les 16e de finale au programme aujourd'hui et demain. Deux matchs en ouverture ce soir, Nantes-Montpellier, Strasbourg-Lille. Les clubs qui jouent l'Europe sont exemptés pour ce tour. Paris, Lyon et Marseille entreront donc dans la compétition en 8e. C'est un peu la tradition pour passer un bon Halloween. Une soirée cinéma d'horreur entre amis, ça marche toujours très bien, surtout avec le retour du film Halloween en salle avec énergie. On peut aussi frissonner depuis son canapé et ressortir les classiques, bonbons, pop-corn et surtout un bon scénario bien flippant. Et c'est exactement ce qu'ont prévu de faire Jérôme, Néwin, Jade et Thomas demain soir. Freddy. Les griffes, le visage et tout, surtout la scène où on voit à un moment une griffe de Freddy sortir du bain, ça fout toujours les chocottes, même si ça a 20 ans, 30 ans en arrière. Alors moi c'est Esther, c'est une petite fille qui a été adoptée par une famille, et en fait à la fin cette petite fille en fait n'est pas une petite fille, c'est une adulte de 40 ans qui a réussi à cacher ses formes, elle est très petite, elle veut tuer tout le monde, malade mentale. Moi c'est la nonne, je l'ai vue il y a pas longtemps, ça fait sursauter à mort, et avec des esprits. Quand j'étais petite j'allais dans les églises, alors là avant que je remette un pied dans une église ça m'a vraiment fait peur. Moi ce serait peut-être, à l'époque c'était une trilogie Saw, c'est très très gore, c'est des gens qui sont enfermés souvent, ils se réveillent, ils savent pas où ils sont, ils doivent repousser leurs limites, aller presque vers la mort pour montrer qu'ils se repentissent en fait. C'est une histoire assez psychologique. Voilà, des propos recueillis par Morgan Barthélémy. Et pour ceux qui cherchent encore à quoi faire, eh bien le parc Astérix Disneyland ou encore le manoir de Paris ont mis le paquet pour fêter Halloween jusqu'à la fin des vacances. 8h32, bientôt 33, c'est la fin de ce flash. Bon réveil, bonne matinée, on est le mardi 30 octobre. Comme chaque matin cette semaine, vous retrouvez le best-of de Manu dans le 6-9 sur Énergie. Et puis nous, on se donne rendez-vous dans une toute petite demi-heure pour le prochain point sur l'actu. On va parler notamment de la météo et de la neige. Bonne journée. Qui continue en ce mardi matin, mardi 30 octobre. Le meilleur de Manu dans le 6-9 et de ses ouin-ouin pendant cette petite semaine de vacances. Manu et toute l'équipe que vous retrouvez évidemment sur Facebook. Il y a le site manudansle69.com. L'application aussi où vous laissez vos messages vocaux. C'est Nico du web qui check tout ça. La preuve dans quelques minutes. On va écouter aussi Dadju et Kygo pour les hits. Et juste avant sur Énergie, la suite de ce best-of. Manu dans le 6-9. Maman Manu et les ouin-ouin. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Nous allons parler défis et paris débiles. Ah, ok. J'ai trouvé une liste de paris ou défis totalement débiles que des gens ont vraiment réalisé. J'ai trouvé ça sur internet, écoutez bien. Aux États-Unis, un animateur de radio a dit qu'il resterait au micro tant que l'équipe de baseball de sa ville ne gagnerait pas un match. Le problème, c'est que son équipe est vraiment pas bonne. Ouais. L'équipe a perdu 21 fois de suite. Il est resté à l'antenne pendant 258 heures. Mais non. Voilà, alors il a dormi un petit peu, hein. Il n'est pas resté réveillé, sinon le mec aurait décédé. Ouais. Mais il a fait son émission, tout le temps, jusqu'à ce qu'il gagne. Ça se demandait si les mecs de l'équipe ne faisaient pas exprès, tu sais, pour se marrer, quoi. Non, le problème, c'est qu'ils étaient vraiment nuls. D'accord. Toujours aux États-Unis, suite à un pari, un homme se nourrit uniquement de pizza depuis 25 ans. Mais non. Oui, mais si. Bah. Il a une santé de fer, ses analyses de sang sont bonnes, son cholestérol aussi, et son poids est tout à fait normal, et le mec ne mange que des pizzas depuis 25 ans. Et son médecin, il est vraiment sérieux, parce que là, on se demande quand même. Mais le mec va bien. Donc le médecin, il constate juste. Hein. Moi, je commence le même régime dès aujourd'hui. Je suis partant. Ouais, je suis pas sûr que ça marche pour tout le monde, mais écoute, tente. Au pire, ça fera un buzz. Hein, là. La boule. Ouais, c'est ça. Un petit dernier pari débile. En Irlande, un homme a voulu être celui qui a joué le plus longtemps de la guitare au monde sans discontinuer. Oh. Il a tenu 114 heures et a joué 1372 chansons de suite. Oh, quoi ? Ouais. Par contre, il a perdu un doigt, quoi. Ah bah oui, mais à la fin, ça s'effrite. Hein, Alors, c'est clair. Le mec, il a la peste. Hein. Question simple, quel a été votre pari le plus débile ? Celui que vous avez gagné, que vous avez perdu. Alors, si vous connaissez une histoire, vous avez fait un pari avec un mec, il a fait un truc incroyable, vous avez fait merde et vous l'avez perdu. Nico ? Moi, c'est mon frère qui en tient avec un pote depuis 15 ans. Ah ouais. Ça fait 15 ans qu'il tient à Paris. Ah ouais. Ah c'est beaucoup ça. En fait, quand ils étaient en troisième, ils ont dit le premier qui parle à l'autre a perdu. Et ça fait 15 ans qu'il ne parle plus avec un pote, ouais. Mais non. Ça, je te jure que si, si mec, mais non. C'est vrai. C'est son pote. Donc ouais. Ils sont plus potes. Ils étaient potes en troisième et maintenant du coup ils sont sur Facebook mais ils ne se parlent pas. Ils sont amis Facebook mais c'est le pari, c'est truc dingue. Avec son pote, on ne se parle pas. Depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Oh, mais c'est incroyable. Ouais, non, c'est ça. Ils habitent pas dans la même ville donc après il est toujours vers chez mes parents le mec donc quand ils peuvent se croiser mais ils ne s'appellent pas du tout. Ils ne se parlent pas. C'est surréaliste. C'est génial quand tu veux te débarrasser d'un pote quoi. Oui mais si tu veux te débarrasser de quelqu'un en général c'est pas un pote et le mec il va pas comprendre pourquoi tu un coup tu lui dis dis-moi toi je peux pas m'irrer on se parle plus. Si c'est votre copain, votre copine, ça pue un peu, quoi, effectivement. Bon, mais du coup, effectivement, tu perds tous tes potes à faire des paris débiles comme ça. Hein. Défi débile, les amis, qu'est-ce qu'on a encore, Paulette ? J'ai deux copains qui se sont défiés à savoir lequel choperait le plus de numéros dans une soirée. Mmh. Oh. Donc, ouais, on parle de défi débile. Ouais, hein. Des mecs, quoi. Ouais. Et il y en a un, donc il a réussi à choper trois numéros, quand même, et l'autre, un seul numéro. Sauf que c'est déjà bien un seul. Hein. Ouais, oui. Ouais. C'est quoi pour moi un seul, ça peut être un fantasme. Hein. Non. Manu, c'est triste. Bah oui, c'est triste. Mais voilà, sauf qu'un numéro, mais il est toujours avec la fille. Ah. Donc, qui a gagné ce pari? Ah moi, je trouve que c'est celui qui est toujours avec la fille. Bah non, le pari, c'était le plus de numéros, donc c'est celui qui a les deux. Ah oui, je suis désolé. Ah ouais. Bah, si on s'arrête. On pense à l'amour, la vie, les enfants, le mariage. Oui, mais c'était pas le pari. Marvin, sur Twitter, nous dit: au lycée, des potes m'avaient lancé le pari de m'enrouler du papier toilette et de sortir de l'armoire comme une momie en plein cours d'histoire. Oh non. J'ai eu 3 heures de colle. C'est pas cher payé. Qu'est-ce que vous avez fait comme défi un peu débile, comme pari stupide? 0-860. 70 42 48. On a Géraldine qui est avec nous. Bienvenue Géraldine. Salut Mani. Salut les ouin-ouin. Bonjour Géraldine. Bonjour. On écoute ton histoire. Alors moi, j'ai organisé l'enterrement d'une jeune fille de ma meilleure amie et en fait j'ai mis au défi les 6 filles qui étaient présentes dans le minibus de se mettre en topless et de montrer ça aux automobilistes. Oh, le bien défi. Sûr, ouais. Elles l'ont fait et en fait on a quasiment fait un bouchon sur la voie de gauche. Géraldine est très contente de son histoire. Écoute, mais je m'en souviens comme si c'était hier, mais on s'est marré, il y a des automobilistes qui ont joué le jeu, écoute, c'était génial. Bah si vous voulez la route, hein, c'est vrai que faut faire attention quand même. Hein. C'est marrant parce que c'est quand c'est les filles qui font ça, vous trouvez ça cool, alors que moi des mecs qui montent leurs fesses contre des vitres, je trouve ça horrible. Mais moi aussi. Ah bah ouais, tu vois, pour une fois on pense la même chose. Merci de nous avoir appelé Géraldine, belle journée à vous et ne le faites pas complètement sur les routes, ça peut être dangereux quand même. Bienvenue sur Énergie. Et vous me faites rigoler. Continuez comme ça, le réveil le matin. Tu sais, je suis pas très docile. Sur Énergie. Lyon. Oh. Un peu de respect. Faut respecter. Quand une lionne arrive à tout gérer, un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Elle dit jamais son dernier mot. Et tu peux lire sous ses paupières. Mettra toujours la famille d'abord. Elle va tout assumer. Le genre de femme qui à chaque problème s'en sort. Elle va tout assumer. Lyon. Bien comment gérer sa vie, charismatique, magique. Elle est sexy, elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques, elle réfléchit, pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite, son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère, elle sait dire non. Et tu peux lire sous ses paupières, déterminée à chaque problème s'en sort. Elle m'a tout assumé. C'est Manu dans le 6-9. Sur Énergie, on est en plein cœur du best-of de Manu dans le 6-9. Alors même pendant les vacances, hein, vous continuez de lâcher vos messages. Il y a Twitter, il y a Facebook, il y a l'application aussi. Elle appelle Manu dans le 6-9, vous lâchez vos messages. C'est Nico du Web qui check tout ça. La preuve dans quelques minutes. Avant ça, Jérémy Frérot. Et puis là, comme chaque matin, à 8h40, voici les sondages du jour. Énergie. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Voici comme chaque jour pour vous, les sondages du matin. Ouais. 13% des gens ont déjà déménagé pour cette raison. Quelle raison, Glandu? À cause de leur voisin? Non. C'est par rapport à la taille de la maison ou pas du tout? C'est par rapport à la maison, mais pas sa taille. Ils n'étaient pas exposés. Pardon, je reprends. Ils n'étaient pas exposés plein sud. Pour la lumière, tu vois, pour le soleil. Pour le soleil. Enfin, tu t'en aperçois avant d'acheter la maison, ça, non? Bah, écoute, tu peux être peut-être en l'air, hein. D'accord. C'est pas ça? Alors, non, bah non, c'est pas ça, d'accord. Du coup. Ils ont des petites bêtes, des souris, des rats, des blattes. Ils ont les petites bêtes, des souris, des rats, des blattes. Ils ont les petites bêtes, des souris, des rats, des blattes. C'est pas ça. Ça a rapport avec la déco ou pas du tout? Pas du tout. La douche qui coule mal. Alors. C'est chiant, ça. Ça peut être la douche qui coule mal parce que 13% des gens ont déjà déménagé parce qu'ils étaient persuadés que leur maison était hantée. Bah, Manu, quel rapport avec la douche? Ouais, j'ai pas compris. Non. Bah, si la maison est hantée, ouais, la douche peut se mettre à couler toute seule. Ah, d'accord. Ah, okay. Tu comprends? Quoi? Tu peux entendre des bruits dans la nuit. D'accord. La douche, le robinet, le lavabo, ouais, l'évier, ouais, le frigo, la porte, n'importe quoi. Oh, le fantôme nul, quoi. Il allume la douche. Ah non, le fantôme propre. C'est le sujet de dispute numéro 1 sur la route des vacances. D'après vous, quel est ce sujet? La bon musique. La musique. Non. Ah, le suspense. Oh, mais t'es en apnée là, Manu. Nico, c'est si on mange ou pas dans la voiture? Non plus. Ah. On met la clim, on met pas la clim, etc. Non. Le non. chemin emprunté? Quel non chemin plus. C'est un truc qui se passe dans l'habitacle? Non, justement. Non. Ah. L'heure de la pause pique-nique. J'ai faim. Ouais. Ah, c'est presque ça, l'heure de la pause pipi. Pipi. Ah, ouais. Ouais. Le sujet de dispute numéro 1 sur la route des vacances, c'est les pauses pipi. Bah enfin, oui. On vient de partir, pourquoi elle nous demande à chaque fois quand est-ce qu'on s'arrête? Qui ça, j'ai envie elle de faire pipi, ma femme, enfin ma femme, peut-être l'ex-femme aussi de Manu, ça doit être la même chose. Hein. Je vote pour, effectivement. Mais oui, ouais, toujours. On n'est vraiment pas synchro sur le pipi, les filles et les mecs. Hein. Non mais vraiment, mais c'est incroyable. Vous faites avant de partir, on démarre la voiture, pipi. Mais c'est pas très très grave, pourquoi vous en faites cas à ce point-là, quoi? Je veux dire, ça va, c'est juste un petit pipi, ça prend 2 secondes. Non, parce qu'on est lancé. Quoi. Ben oui. Oh ouais. On est sur le rythme, on a le trip et vous le cassez. Et après on se tape les bouchons parce qu'on s'est arrêté vers pipi. Mais toutes les voitures, tous les embouteillages de France, alors ça c'est une statistique, 95% des embouteillages de France, c'est parce que vous faites des fausses pipi. C'est de notre faute, quoi. Oui, oui, comme tous les maux de la terre. 10% des femmes en cachent dans la chambre à coucher sans que leur partenaire ne soit au courant. Qu'est-ce qu'elles cachent? Tiens, Isabelle. Des boules caisses. Non. Des photos d'ex. Oh, ce serait horrible. Oh, bah, moi, j'ai des photos de tous mes ex, mais je les montre pas tout de suite à mon nouveau mec, tu vois. Un objet coquin? Et c'est pas un objet coquin. C'est de l'argent ou pas? Non. 10% des femmes, c'est pas beaucoup, hein, en cachent dans la chambre à coucher sans que leur partenaire ne soit au courant. C'est honteux ou pas? C'est pas honteux, mais c'est étrange. Des dessous moches mais pratiques? Non. Des gâteaux? Bah c'est quasiment ça, c'est de la nourriture. Ah ouais? Bah oui. 10% des femmes cachent dans la chambre à coucher de la nourriture sans que leur mec le sache. Une plaque de chocolat, ça passe. Si c'est une choucroute. C'est plus quoi? C'est beau. Tu t'en rends compte au bout de 10 minutes. Hein. On n'a pas une odeur dans la chambre? Non, je vois pas. Je vois pas de quoi tu parles. Manu dans le 6-9. C'est rigolo! Tous les matins sur Énergie. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer, mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées à lever sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur, sans peur du ciel, oh, ni d'éternel. Non, non, non, le temps a abjuré, sans peur du sel, le naturel. D'une note passée, cette lune, les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. La belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Et si tu as peur du cadran, oh, regarde bien tous ces gens. Ce n'est pas un rêve, c'est la vie. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, mardi matin, 8h51 sur Énergie pour beaucoup. C'est l'avant-dernier réveil de la semaine, vu que jeudi c'est férié, donc ça c'est cool. Le meilleur de Manu dans le 6-9 qui continue avec Offenbach, le duo de DJ français qui sera là le 10 novembre à Cannes pour les Energy Music Awards. On va les écouter juste après la suite de ce best-of et tous vos messages. Bienvenue sur Énergie. Vive les wouah du matin. C'est Manu dans le 6-9. Ouais. Énergie. Les messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux et ceux que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9, c'est Nico du Web qui récupère tout et qui les partage avec nous. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Autrement dit, des gens très gentils peuvent vite devenir relous. Absolument. Ça, on en a parlé vendredi, on a eu plein de réactions sur notre page Facebook. Notamment David qui dit « Ma copine me fait des câlins dans la nuit quand je dors profondément, ça me réveille à chaque fois. Oh. » Voilà, oui, c'est vrai que ça part d'une bonne intention. Ouais, et après, ça réveille, après on a du mal à s'endormir. Il est gonflé, il verra quand il sera seul et qu'il aura plus de câlins la nuit. Oh, on partira. Bah oui. Moi, j'aimerais bien qu'on me réveille. Ok. Voilà. La femme à bout. Ouais. J'aimerais bien qu'on me réveille parce que là vraiment. Je vais enchaîner. Appelez-moi la cocotte minute. Non. Il y a Mathilde aussi qui dit mes collègues au boulot qui me tiennent tout le temps la porte, même quand je suis loin. Du coup, ça m'oblige à me dépêcher. C'est chiant. Et ça, c'est vraiment l'enfer et pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que tu veux être gentil pour les gens qui sont genre à 30 mètres, leur garder la porte de l'ascenseur, mais du coup, on se sent obligé d'accélérer pour arriver à l'ascenseur. Mais à partir de combien de mètres on la tient plus alors? 2. Ah, ok, c'est bon. Bon, dans les gens trop gentils qui en deviennent un peu relous, il y a Arnaud qui dit ma tante veut me refiler les vêtements de mon cousin plus âgé, ceux qu'il ne met plus, pardon, et il est âgé aussi en style. Ah oui, ça va être compliqué quoi. Ah oui, oui, parce que t'acceptes mais tu veux pas les mettre. Non. Et un petit dernier message, il y a Victoria qui dit une amie qui me ramène des magnettes à chaque fois qu'elle va quelque part, j'en ai une bonne cinquantaine. Oh putain, ça c'est compliqué ça. Les magnettes pour le frigo, j'en peux plus des boîtes de céréales avec les régions là, vous arrêtez. Ça faut plus. Non, c'est un ordre, vous arrêtez. Stop aux magnettes de région. Merci de m'avoir écouté. On continue les messages vocaux que vous nous envoyez. Ouais, je suis désolé, on va continuer avec un chat. Un chat extraordinaire qui miaule lorsqu'il entend Manu. Manu! Manu! Oh! Manu! Oh. Manu! Manu! Oh. Manu! Manu! Manu! Oh merde! T'es en train de vivre un enfer là, non? Ah, c'est ça. C'est compliqué. Voilà, mais tu sais quoi? Il lui apprend à reconnaître le prénom Manu pour me sauter dessus quand il me verra. Oh. Bien sûr que c'est ça. Ouais. Ne vous laissez pas manipuler par les chats. Non. Bon, on va finir avec un message assez spécial maintenant. C'est soit il va lancer une mode, soit ça sert à rien. Bonjour, Jean-Yves, ça rime avec endive. Au revoir. Ah. Mais il y a quelque chose. Manu, ça rime avec cucu. Ouais. On peut continuer. Paulette, ça rime avec rillette. Bien vu. Valentin, ça rime avec crétin. Ouais. Vous savez quoi, ça peut lancer une mode. Alors, pas mal. Envoyez ça. On peut se faire une petite compilation pour demain. Allez, ok, vous donnez votre prénom et vous dites avec quoi ça arrive. L'application Manu dans le 6-9, vous pouvez la télécharger, évidemment, elle est gratuite. Vous appuyez sur le petit icône de micro et vous nous envoyez votre message. Oh, c'est bien ça. Bonjour. Jean-Yves, ça rime avec endive. C'est aussi simple que ça. Voilà. Le monde avance et c'est pas grâce à nous. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Allez vite, on se lève et on va à l'école. Cap. Oh, I never ever had a love like that. Oh, you